Donc on vit dans le monde où on a affronté de plus en plus de situations où le corps réagit avec la douleur. C'est peut-être lié avec notre âge aussi. En avançant dans l'âge, il y a de plus en plus de soucis de santé, de stress, des choses comme ça. Et ça fait que notre vie est moins heureuse. Et je crois justement, si on se penche sur le mécanisme d'apparition de douleurs, vous allez dire peut-être qu'il y a d'autres pistes aussi, mais je crois que très souvent c'est parce que notre corps, il tombe en panique, c'est-à-dire il s'affole et sans les mécanismes naturels, les rôles des douleurs, c'est indiquer attention, il y a un problème, il faut changer les comportements, il faut faire quelque chose pour... la douleur, c'est un système de notre surveillance extérieure ou intérieure qui nous signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc quelque chose pour attirer notre attention. Par contre, on vit dans le monde qui est vraiment qui génère le stress et les corps, en se perdant, ils commencent à réagir deux fois de manière excessive. Et quand on a des développements de maladies chroniques aussi, qui est lié justement que les tensions ne sont pas ponctuelles, comme c'est dans la nature, mais il y a des tensions psychologiques ou d'usures excessives. Par exemple, les gens qui effectuent toujours les métiers où on fait les mêmes gestes tous les temps ou les mêmes positions, il y a les déformations physiologiques. Ça fragilise. Voilà, ça fragilise, mais des fois il y a des tendons qui s'étirent ou il y a les muscles qui sont atrophiés, etc. Parce que ça, c'est dans deux sens. On n'est pas au milieu de choses, parce qu'on devrait faire des efforts, mais faire des efforts ponctuels pour que les corps puissent se régénérer, qu'ils puissent apprendre, s'adapter à la situation. Parce que ça, c'est le corps. Donc moi, quand je comprends le corps, c'est notre copain, c'est notre ami. Dans les policiers, quand ils sont par deux, ça s'appelle comment là? Le binôme. C'est notre binôme qui est là, donc d'un côté qui nous sert de véhicule, c'est notre serviteur le plus fidèle et qui compte sur nous pour le guidage, c'est-à-dire lui, par rapport à ce qui est extérieur, il fait confiance à notre mental, à notre analyse des situations. Et par exemple, si nous avons peur, si nous sommes stressés psychologiquement pendant une longue période, le corps, il agit en fonction. Et si ça s'est prolongé dans le temps, le corps commence à perdre ses moyens, il s'épuise et il ne sait plus quoi. Voilà. Et moi, après je vais développer cette idée, il se comporte un petit peu comme un bébé. C'est-à-dire, par exemple, il y a un traumatisme, le bébé tombe, et les bébés se relèvent, ils regardent la réaction des parents. Si les parents disent « Ah !» l'enfant, il comprend « Ah oui, il y a quelque chose de grave qui s'est passé », donc il se met à pleurer. Mais si les parents disent « Bah, ça va, tu t'es pas sali », les enfants, ils disent « Ah bah, il n'y a rien de grave », il va comme ça. Et je pense que le corps, il réagit comme ça aussi. Donc, il y a, pour moi, il y a deux sortes de... Ou peut-être, il y a plusieurs, vous allez dire... Et sorte de cas où la douleur apparaît, c'est quelque chose qui est d'ordre accidentel, et il y a quelque chose qui est d'ordre réfléchi, c'est-à-dire quelque part c'est prémédité, c'est-à-dire préconçu par les corps, cette douleur, signal de douleur. Et je crois que donc, dans les deux cas, on peut agir avec différentes méthodes, parce que L'idée, c'est que le corps, la nature nous a, déjà dans les corps, nous a donné, et, bon, j'ai dit tout, peut-être pas tout, mais elle a, et le corps est préparé à affronter beaucoup de situations. Et donc, elle nous donne aussi des moyens internes à diminuer ou à régler certains problèmes de santé ou de et on a par exemple en 2022 et le 19 novembre on a fait une réunion où on a parlé de la salive, on a parlé de l'urine, on a parlé de quoi on a parlé encore, voilà, de on va parler 2022 pardon en 2022 en 2022 oui quand on était c'était à Salerne. On était encore à Salerne à l'époque, pendant nos premières rencontres. Et on se rend compte que, par exemple, la salive, elle a des vertus médicales. Et d'ailleurs, automatiquement, on l'utilise, par exemple, quand on a du mal dans les yeux, on salive, on a une piqûre, on met la salive. Et ça, effectivement, il y a tous les substances dedans qui sont là. En plus, si on prépare... Les animaux, on fait comme les animaux. Voilà. J'y pensais en même temps. Oui. Donc, on a des choses comme ça de la nature, et pour la douleur, moi, je pense aussi. Et donc, j'ai découvert moi-même, parce que je me faisais bobo de temps en temps, j'ai entendu en tant que Polonais... Attendez, parce que... Est-ce que je fais dans l'ordre chronologique ou je fais dans l'ordre systématique plutôt? Donc, je me suis dit, bon, on va essayer systématique et après, il y aura des anecdotes que vous peut-être allez pouvoir aussi enrichir avec les vôtres. Et donc, dans mon sens, quand j'ai écrit dans les messages, il y a une sorte d'emballement. C'est-à-dire, il y a un choc où il y a une blessure ou quelque chose là, les corps la remarquent par ses sens, et après, en fonction peut-être aussi de notre mental ou en fonction de comment il analyse les choses, il y a cette réaction, et très souvent la réaction des corps, c'est la tension ou c'est la crispation. C'est un stress. Un stress, voilà, c'est un stress qui lui-même... Il contribue au développement des douleurs parce que, et ça j'ai remarqué, que très souvent les douleurs, par exemple les migraines ou d'autres choses, sont liées aux tensions musculaires quelque part. Et donc il y a cet cercle vicieux qui se met en place et qui fait que la douleur, au lieu de s'atténuer et d'être oubliée quelque part, ça devient de plus en plus grand problème. Et moi, j'ai découvert ça un petit peu dans une autre histoire. C'est quand j'ai vécu une période de stress, une sorte de dépression. Et moi, je ne vous raconte pas de toutes les circonstances, mais je m'ai réveillé la nuit avec la pression de thorax qui venait et que ça m'empêchait de dormir et je me sentais très mal à l'aise. Mais après... Donc, c'est un petit peu grâce à Thierry Casasnovas qui a expliqué qu'il y a deux, dans le stress, il y a deux hormones qui sont formées, et c'est les hormones de donc adrénaline et cortisol. Et que les adrénalines, c'est parce que le stress nous sert à nous mobiliser le corps, justement, soit pour se battre, soit pour la fuite. Et à ce moment-là, le métabolisme est bloqué. Donc, on a adrénaline pour avoir la force surhumaine. Et cortisol, c'est pour arrêter le métabolisme du corps, pour que toute l'énergie, tout ce que le corps peut faire soit concentré justement sur l'action de se sauver. Donc, lui, il disait que c'est la sérotonine, donc c'est les hormones de plaisir qui fait enlever le stress. Et c'est vrai que les massages, les gens font souvent les massages justement pour se déstresser, se détendre. Et moi, j'ai utilisé cette technique. Et justement, ce qui est important pour moi, que j'ai compris qu'il faut agir avant que ça arrive. C'est-à-dire le stress. Et je me réveillais et j'ai commencé à sentir monter le stress. Et à ce moment-là, je m'imaginais que je suis en train de battre avec quelqu'un. J'avais comme une crise d'épilepsie. Je me jetais dans tous les sens. Et après, avec les mains, je me caressais sur les cous, sur les bras, sur le corps entier. Et ça m'a calmé. Et comme ça, en 10 jours, j'ai réussi à me débarrasser de ce stress qui venait. Et c'était un stress grand parce que... Et d'ailleurs, c'est ça aussi. Très souvent, les gens en douleur et ils ne savent pas d'où ça vient. À certains moments, j'ai eu mal aux mâchoires. Et je me suis rendu compte que j'ai mal à la mâchoire parce que j'ai les dents serrées tout le temps. J'avais les dents serrées. Ça faisait mal aux dents, aux mâchoires, à l'oreille. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à travailler sur la détente. Et effectivement, on arrive à enlever ces choses. Donc ça, c'est déjà... C'est comme le sport. Les gens qui sont stressés, qui font du sport... Ça les déchire Ben, ça les détend. Ça. Ah, par contre, si on fait le sport en temps stressant, on peut au risque de faire des ruptures musculaires ou d'autres choses. Oui, des tendinites. Oui, si tu vas courir, par exemple. Voilà, c'est très souvent les accidents. Tu évacues en faisant du sport. Voilà, ouais, courir, souvent, quoi. Tu évacues le stress ou alors faire de la méditation. Oui. Par contre, le sport, apparemment, il fait ses propres stress parce qu'il y a un effort qui est plus important que d'habitude, donc pour assurer les corps. Il utilise les moyens de manière pas normale et que ça provoque aussi des stress. Mais ça provoque aussi. Si tu en fais beaucoup, ça te donne une demande. Tu as une addiction, par exemple à la course, quand tu cours beaucoup, tu as une addiction, il faut que tu cours tous les jours. Le corps te le demande. Voilà, ça te fait des addictions, des besoins. Bah oui, parce que ça, c'est justement que les corps, en tant que notre. Quelqu'un qui essaye de deviner de quoi on a besoin. Par exemple, les gens, ils se disent, c'est parce que le plus je fais la musculation, le plus j'aurai des muscles. Et là, maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Qu'il suffit de seulement montrer les corps avec l'intention et avec des efforts ponctuels. Par exemple, une fois tous les 3 jours, on fait un effort ponctuel. Et les corps, et par la répétition des choses et par l'intention qu'il interprète par rapport à nos actions, il fait l'effort pour justement satisfaire ça. Et moi, par exemple, parce que ce que je vais vous raconter là, c'est basé beaucoup sur mes propres recherches, disons, comme ça, mais après, j'entends derrière Isabelle, et elle me parle parce que c'est connu. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais peut-être ma manière est un petit peu bizarre parce que il y a, vous allez comprendre, il y a un accent polonais aussi dedans. Comme je suis polonais, pardon. Tu es polonais? Oui. Tu savais pas? Non. Ah oui, je suis polonais. La guerre. Et donc. Donc, ce que je vous dis, c'est une proposition. Par contre, bon, j'ai compté qu'il y aura une personne, Jeanne, qui va venir et qu'elle appliquait, parce que je l'ai vu, qu'elle avait un problème avec l'épaule. Cervicale. Avec l'épaule. Ah. Parce qu'elle faisait des gestes comme ça. Et moi, j'ai dit, et je vois que vous avez mal à l'épaule, si vous voulez, je peux vous donner quelques conseils. Et elle m'a regardé comme ça. Mais comment vous savez que j'ai des mal? J'ai déjà tout de suite, je suis devenu une personne extraordinaire parce que je suis interprété qu'elle avait douleur. Et je lui dis des choses très simples. Bon, je vais vous dire tout à l'heure. Et le lendemain ou quelques jours après, je la vois et elle a dit qu'elle a appliqué ça et qu'elle n'a plus de douleur. Qui était parce qu'elle était accidentée et là, pendant plusieurs mois, elle avait tout le temps la douleur ici. Donc voilà, donc on va tout dévoiler tout à l'heure. Donc là maintenant encore pour comprendre les choses. Je pense qu'effectivement, ce qui est très important dans les situations où la douleur vient de manière accidentée, c'est d'agir immédiatement pour rassurer les corps, d'un côté, que ce n'est pas grave, et pour donner au corps la possibilité de guérir, ça, de réagir en conséquence, parce que quand il se stresse, il bloque soi-même ses capacités d'agir. Et donc, je vais raconter quelques expériences. Placebo. Ben, ça peut être effet placebo. Moi, je préfère, parce que peut-être effectivement, c'est mon idée comme ça, que peut-être tous les remèdes, ce sont des placebo. Seulement, c'est les placebo en quels on croit ou on ne croit pas. Et en quels les corps, on arrive à convaincre les corps que c'est ça. Et les corps. Et par exemple, l'histoire des lourds, des guérisons des maladies très très graves, et c'était décrit par Charcot au 19e siècle, donc le scientifique qui a décrit les maladies, la sclérose en plaques latérale, et ce qui porte son nom, lui, il s'est penché réellement sur les guérisons miraculeuses. Et ça c'est un sujet à part, mais c'est très très curieux ce qui se passe. Parce que des conditions qui devraient plutôt être pathogènes et nous faire du mal, ils nous guérissent, c'est-à-dire le corps accepte ça comme ça. Et donc, là maintenant, donc il y a deux pistes. Il y a deux pistes. Et je vais peut-être commencer avec la piste polonaise. Donc, dans les années 90, il y avait un retraité militaire polonais qui avait des douleurs graves des sciatiques. Et donc, il était à l'hôpital, allongé à l'hôpital, avec la douleur, et il s'est endormi avec la main sur la tête, comme ça. Et il s'est réveillé une demi-heure après, sans avoir aucune douleur, et il a fait le lien, et il s'est dit, mais il y a quelque chose. Et comme il s'est intéressé à neurologie un petit peu, donc il s'est dit, ah oui, c'est parce qu'il y a des centres cérébraux qui sont liés avec les organes, et c'est comme ça qu'on le stimule, on fait. Donc il a développé une méthode qui est BSM, que je n'arrive pas à traduire en français, mais ça veut dire un petit peu, c'est la stimulation, et la rétroaction est provoquée par stimulation cérébrale. Et donc l'idée c'est que donc lui il pensait donc selon la position de la main, et quand on la garde pendant 30-40 minutes, elle va stimuler un organe en question et ça va enlever la douleur ou ça va les guérir. Et il y a plein de maladies, effectivement il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent, y compris par exemple la gangrène ou même les chiens sur les animaux, parce qu'on a compris au départ c'est auto-guérison, mais on peut l'appliquer ça sur les autres. Et moi, pour raconter tout, et j'ai commencé un petit peu en rigolant avec Manu, l'ancienne directrice de la Biocoop, qui est venue un jour, on faisait ensemble une formation, elle est venue avec la douleur. Et j'ai lu un petit peu en rigolant, je disais, si tu sais, je connais une méthode polonaise, je vais t'enlever. Et jamais fait auparavant, je même croyais pas par moi-même, parce que quand j'ai essayé, je mettais la main sur la tête, et deux minutes après, j'avais mal au bras et j'avais pas l'idée de continuer. J'ai arrêté, je me suis dit, c'est pas faisable. Mais en tout cas, pour elle, j'ai fait, parce qu'on attendait une personne qui était en retard. J'ai fait deux fois 20 minutes en changeant les mains, mais moi j'ai mis la main aussi sur le doigt qui faisait mal, une main sur la tête et l'autre sur le doigt qui faisait mal, et je crois que c'est ça qu'il fallait faire, parce que on a cette tendance même naturelle de mettre la main sur l'endroit qui nous fait mal et de la garder. Et par contre on reste pas longtemps. Et la nuit, enfin, moi personnellement, je m'endors avec la main là, ou sur la tête, là, ou là. Les mains, ça. Vous, voilà, dans différentes parties du corps. Voilà, donc ça on fait. Et moi déjà, et donc, mais ça c'est le mélange, les deux, et deux pistes. Et c'est quand j'avais 7 ans, et j'ai eu spasme au ventre. Et j'étais à l'école, et normalement, la réaction de tout le monde, c'est de se courber. Et moi, j'ai, à ce moment-là, je m'écourbais, mais je me suis dit, peut-être, je vais changer la position. Et je me suis détendu et je fais un petit massage sur le ventre et c'est parti. Et depuis, avec moi, avec mes enfants, dès que j'avais mal au ventre, je faisais un tout doux massage comme ça, et en circulant. Et ça calme. Tout de suite, ça marche et détonnerre. Et donc, pour retourner à la méthode de M. Hurvast, il s'appelait Hurvast, et pendant des années, je la connaissais, mais je n'ai pas appliqué. J'ai appliqué avec Manu, et en 40 minutes, donc, la douleur est partie. Et après-midi, donc, on a mangé ensemble, et l'après-midi, elle m'a choqué parce que donc, c'est une personne âgée très sérieuse. Et elle était à table et à certains moments, elle commençait à soulever les pieds comme ça, en rigolant. Et moi, j'ai dit, mais arrête, tu vas avoir de nouveau mal au dos. Elle a dit, ne t'inquiète pas. Et je me suis dit que peut-être cette méthode-là, ça fait aussi, ça apporte les joies ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça ne s'est pas confirmé après. En tout cas, j'ai commencé et donc, comme j'ai compris et donc, que ça marche pour les autres, j'ai essayé d'utiliser sur moi, mais toujours tenir la main sur la tête pendant 20 minutes, il faut être vraiment très motivé. Et par contre, j'ai compris, je me suis rappelé que Hurvast, il a utilisé la première méthode quand il était alité à l'hôpital. Oui. Donc oui. Je me suis dit, c'est ça la solution. Oui. On se couche sur un dos et la main de côté sur lequel on se couche, on peut mettre sur la main, elle repose sur l'oreiller et elle ne s'effondre pas. Sur le ventre, c'est plus facile peut-être sur le ventre. Ou peut-être sur le ventre, bah, je pense que y a, toutes les techniques sont bonnes, pourvu seulement qu'on reste la main là. Et moi j'ai eu sciatique aussi avec la main posée sur l'endroit qui fait mal et l'autre sur la tête, ça faisait. Quand j'ai travaillé en tant qu'animateur en colonie de vacances, et beaucoup de animateurs, ils viennent du monde du sport, et ils ont tous le dos cassé parce qu'ils font des abdos, ils ont des accidents, et j'ai pris un renommé d'un guérisseur parce que j'ai enlevé les douleurs à tout le monde et ça marchait même après 20 minutes des fois. Et sur, disons, 80% des personnes, pour 80 des personnes, ça marchait. Et les douleurs ne reviennent pas quelques jours plus tard. Donc ça dépend, parce que si on fait un effort, parce que le dos, par exemple, il est toujours fragile, ça peut partir, mais si on fait quelque chose, ça revient. Par contre, il y a des personnes qui, la douleur ne revenait pas. J'ai eu une dame qui avait accident de voiture avec épaule, et c'était encore une formation, formateur était en retard 20 minutes, je lui fais ça, et une semaine après, je l'appelais pour demander bon, d'autres choses, et j'ai demandé à l'occasion, et si ça fait toujours mal, et elle demandait, mais de quoi tu parles, ça durait un moment avant qu'elle s'est rappelée, donc elle n'avait plus de douleur, elle a oublié qu'elle l'avait auparavant. Et ça, apparemment, ça, c'est une règle qu'on oublie quelque part. On refoule la douleur, on se souvient. Oui, bah, plus mal, on n'y pense plus. Voilà. Donc ça, c'était quelques expériences comme ça. Et ça, c'était donc ces deux méthodes. Une méthode de déstressage qui refoule l'énergie, et on consomme l'adrénaline, vraiment. Et après, on calme, enlève les cortisol avec les sérotonines des caresses. Donc, c'est mieux les caresses en couple, parce qu'on dit que l'amour, il n'y a pas meilleur médicament que l'amour. Et je le crois quelque part. Et donc, il y a ces deux choses-là. Donc, une fois, je faisais du vélo sur le chemin de petit train. Et je me fais piquer dans l'œil par une guêpe, une petite guêpe. Donc j'ai failli tomber dans les ravins, parce que c'était quand même brutal. Je me suis arrêté et j'ai eu réflexe tout de suite de mettre la main, une main sur la tête et l'autre sur l'œil. Et j'ai resté comme ça, j'ai resté, j'attendais. Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait un calme, une détente qui descend. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est finalement, c'est la détente qui est importante aussi dans cette action. C'est comme un hypnotisme. Bon, autosuggestion, une sorte d'autosuggestion, mais c'est parce que j'ai fait confiance, parce que j'ai eu déjà beaucoup d'expérience que ça marchait, j'ai fait la confiance et j'ai senti cette détente qui m'est envahie. Et je me suis dit que c'est la détente qui est la clé d'enlever la douleur. J'avais rien dans l'œil. J'ai senti pendant quelques jours les échos de piqûres. Je savais que j'étais piqué, mais je n'avais ni les gonflets, ni des démangeaisons, rien, ni brûlure. Ça enlève le choc émotionnel. Donc ça enlève les chocs émotionnels, les corps se calment, il dit il n'y a pas de panique, tout va bien, et il peut faire le nécessaire. Voilà. Après, j'ai eu encore d'autres choses avec ces cogniers, j'ai eu peur quelque part, comme j'ai développé déjà. Je vais aller dans l'ordre chronologique quand même. J'ai commencé à développer cette capacité de comprendre cette détente et de travailler la détente pour enlever les douleurs. Et j'ai compris que c'est le mieux on se détend en s'étirant. Et on a naturellement, quand vous regardez les chiens et les chats, et très souvent dans la journée, ils font ça. Et comment ils les font? Tu vas revenir vite fait. Donc parce que je voulais justement poser la question à Zoé, mais à vous tous, les personnes qui ont eu des chiens ou des chats, comment ils font? Ils se tirent sans arrêt. Ouais. Moi, je le fais quand je dors la nuit. C'est souvent parce que je dors un peu en chien de fusil, comme je pense beaucoup de personnes. Et souvent, je m'étire dans le lit, je tends les jambes, je m'étire vraiment. Je le fais deux, trois fois chaque nuit parce que ça me fait du bien. Oui. Je pense que les animaux, oui, moi j'ai un chien, je le vois tout le temps, il détend. Et comment il fait? Est-ce que vous pouvez décrire comment les chiens et les chats, ils s'étirent? Mais moi, pour le chien, comment il s'étire, on le voit surtout avec la tête et les pattes, il est en droit au maximum. Quoi. Les pattes en avant. Voilà. En avant. Et celle d'arrière, un peu comme ça, voilà. Et puis la tête, il fait ça. Voilà. Mais ils font aussi. Moi, je fais ça. Pareil. Avec des pattes arrière, ils font aussi. Et ils font ça. Des fois, ils soulèvent un pied. Il les tire et après il fait avec l'autre pied. Des fois il fait comme ça, fois il se couche sur le ventre et avec les pieds derrière, les tirer, et les pattes en avant. Et quand ils sont sur le dos aussi, ils font les étirements et ils font des mouvements pour se gratter les dos. Mais aussi ils font des étirements assez importants à ce moment-là. Mais moi je ne le fais pas trop au lit parce que sinon. Je bouge la couette et ma femme râle. Par son côté comme ça. Donc, et très souvent, on peut faire la moitié du corps, par exemple, on étire seulement les jambes et on peut faire justement les pieds, on peut les plier vers l'avant ou les tirer comme ça. Des fois, ça provoque les crampes. Donc, justement, quand il y a les crampes qui arrivent, si on détend, et ça arrive pas. Et d'ailleurs, moi, maintenant, par exemple, quand j'ai torticolis, je ne connais plus les torticolis parce que dès qu'il démarre, immédiatement, je me détends avec la main sur la tête et la main sur le cou. Et en 30 secondes, la douleur part. Les corps oublient qu'il y avait la situation de tension parce que la torticolis, c'est classique, que c'est une tension qui fait qu'on tourne la tête brusquement. Quand il fait froid, par exemple, donc les muscles sont un petit peu crispés, quand il fait froid, on fait les mouvements un petit peu trop brusques, et ça fait qu'il y a cette réaction de douleur, de tension qu'on peut enlever. Donc on va faire des exercices, parce que je pense que ça, c'est la clé. Au moment où on se détend, on s'étire, on peut comprendre qu'est-ce que c'est la vraie détente La vraie détente, c'est quand on a les plaisirs qui arrivent tout de suite, immédiats. Quand on s'étire, on fait ça. C'est ça. Pour moi, c'est carrément sensuel. Quand on s'étire bien, ça donne un plaisir insoupçonnable, c'est-à-dire étonnant. Et si on comprend à ce moment-là les gens qui ont douleur, très souvent quand on s'étire comme ça, avec vraiment plaisir, à ce moment-là, la douleur disparaît. On arrête, la douleur revient. C'est-à-dire déjà étirement en soi, qui est une sorte de tension, mais c'est une tension légère, c'est la tension qui enlève toutes les autres tensions. Et après, l'idée, c'est justement, après cet étirement, on lâche totalement et on observe ce qui arrive dans les corps. Et on voit que cette détente qu'on a, c'est la détente des guérisons, d'enlèvement des douleurs. Et après, ce que j'appelais la méthode, j'appelais la détente focalisée, qu'on peut envoyer cette détente dans l'endroit qui fait mal. Et comme ça, quand on arrive à détendre l'endroit, par exemple on a mal au poignet, et on détend toute la main, et on arrive à diminuer ou carrément disparaître cette douleur qui ne revient pas tant qu'on n'arrive pas de nouveau à avoir ces mauvais réflexes ou mauvaises habitudes ou mauvais gestes. Et moi, parce que vous savez que les gens, les grands yogas, ils ont un pouvoir sur leur corps, ils peuvent arrêter les battements du cœur ou descendre sa température ou la tension ou augmenter selon les volontés. Moi, j'ai arrivé quelques fois quand je me suis coupé les doigts, j'ai arrêté les saignements avec cette méthode-là. Par contre, après, quand je me suis dit de bon, ça va, je faisais la vaisselle ou j'ai sali, ça a pris beaucoup plus de temps donc, à se guérir la blessure. Donc je me suis dit, peut-être quand on arrête les sangs, ce n'est pas une bonne idée parce que le corps, quand même, il agit, il y a les sangs qui coulent, qu'il y a peut-être quelque chose à accomplir. Mmh. Mais normalement, c'est possible de faire ça. Et il y a des gens qui maîtrisent tellement bien, par exemple les derviches, qui pendant comment ça s'appelle ça, quand on est dans transe, quand on sent dans les transes, il arrive à se couper la langue, et après il remet la langue, et la langue est comme si elle n'était jamais coupée. Et les gens qui percent les mains avec les couteaux, ils l'enlèvent, et il n'y a pas de traces de transpersion. Voilà. Donc moi, je pense que peut-être c'est... Pardon ? Allez, dis. Isabelle. Non, je disais que je... Non, moi non plus. Bon, en tout cas, je ne sais pas si ce sont des magiciens ou pas, mais... J'ai vu ça. J'ai vu sur une vidéo, c'est-à-dire sur un documentaire des années 80, peut-être. Quelqu'un qui se perce comme ça. Voilà, il perce la main. Et après, il enlève. Et enlève. Et ça coule, il n'y a pas de traces. Ouais. Mais parce que la personne est en transe. Elle est en transe, ouais. Voilà. Ou elle se coupe la langue, montre qu'elle n'a plus la langue. Après, elle se remet la langue et la langue est de nouveau là. Mais c'est peut-être... C'est puissant, ça. Oui, ça c'est puissant. Attends, moi, je conseille pas la de... Et puis la langue, oui, totalement, qu'elle tient les morceaux de la langue dans la main. Après, bon... Vous voulez essayer? Non, il ne faut, non, pas, il faut pas essayer, en tout cas. On verra une autre séance. Je ne viens pas. Donc, en tout cas, tu as peut-être des gens qui font ça effectivement, mais il faut toute une vie de préparation et de bouddhisme et compagnie. Voilà, ou de comprendre. Il fait ça pendant 40 ans et quand il arrive à 70 ans, il arrive à faire ça. Quoi. Donc, de comprendre. Puis on va pas essayer de le faire. Quel intérêt? Ouais. De montrer qu'on peut soigner son corps et qu'on inaltérable quelque part. Bon, par exemple, les gens qui marchent dans les tranches, sur les verres, où ils mangent les verres, où ils marchent sur les feux, sur les braisés qui n'ont pas de brûlures, ni pas de... De marque. Ouais. De marque, de coupure à l'intérieur, parce que manger les verres cassés, c'est quand même... C'est, il faut le faire. Hein. Et apparemment, oui, c'est vrai que c'est assez courant. C'est assez courant pendant les trans qu'on fait ça. Et ceux qui marchent sur les braises et tout ça, ouais. C'est tout sien. Hein. Donc on appelle ces états catalepsiques, je crois. Cataleptiques. Et donc que ce sont des états, d'autres états. C'est notre état. Où le corps réagit selon d'autres règles, selon d'autres moyens. Mais en tout cas, à notre niveau, je crois qu'on peut, d'une certaine manière, maîtriser les comportements des corps par nos intentions et notre volonté, quelque part, et en s'exerçant. Parce que je pense que, comme toutes les capacités, il faut s'entraîner, il faut comprendre comment ça marche, et après, il faut les exercer pour que ça soit utile au moment voulu. Et par exemple, maintenant, quand j'ai les mains appuyées, je me cogne quelque part, et je sais que je n'ai pas la possibilité où il y a des gens, j'ai la honte de mettre la main sur la tête. J'ai intérieurement, je sais quoi faire. Et ça, les preuves contraires, pour l'instant, ça marche assez bien pour moi. Et alors, et après, donc, j'ai développé une sorte, par exemple, quand j'ai eu mal aux dents. À une dent, j'avais mal et la gencive qui était gonflée. Je faisais comme ça, je mettais la langue sur l'endroit et la main sur la tête et je m'imaginais que je fais une sorte de massage. Et après, pour d'autres parties du corps aussi, quand il y avait la douleur, je m'imaginais que je faisais des massages comme ça et circulaires aussi. Et ça marchait pour moi. Maintenant, pour Jeanne et probablement. Elle pourrait dire qu'elle a utilisé quelque chose de semblable et ça marchait pour elle aussi, même si elle n'est pas du tout dans le monde de bien-être, de yoga, de choses comme ça. Elle était étonnée. Elle disait, j'ai mal à croire moi-même que ça arrivait. Elle disait, je crois que c'était ma conviction, que c'était mon esprit, que j'ai... Voilà, que c'est, que, bon, elle ne savait pas expliquer comment, mais elle essayait d'expliquer que c'est seulement la suggestion. Justement, ce qui peut-être pas du tout faux. Donc, est-ce que vous voulez qu'on essaye les petits exercices je vous propose d'aller sur les tapis. Tamalou, pour savoir si ça passe. Tamalou, pour savoir où ça passe. Voilà, moi, j'ai mal au doigt. J'ai mal au genou. Ah! La jeunesse qui revient. Il paraît que c'est un problème entre le jeu et le nous. Oui, le jeu et le nous, voilà, c'est ça, exactement. De quoi ? Et le nous. Donc, allongez-vous tranquillement sur les os. On va commencer. Je pense que c'est quand même. On commence par une relaxation. Par contre, il faudrait que vous ne soyez pas les têtes trop près du mur pour pouvoir étendre les mains. Il ne faut pas se bercer trop près du mur parce que sinon, ça fait du mal. Voilà. Donc, pour l'instant, étendez-vous tranquillement. Voilà. Et là, maintenant, donc, imaginez-vous que vous réveillez, justement, et que vous avez cette envie de vous étirer et essayer de sentir les plaisirs que ça vous apporte. Étirez-vous loin. Voilà, un petit moment, comme d'habitude, vous ne faites pas trop longtemps. Et tout de suite après, vous relâchez tout. Et essayez de sentir qu'est-ce qui se passe. Trop beau. À ce moment. Il y a une sorte de... En fait, t'as plus envie de te lever, quoi. Tu restes au lit. On a envie de se coller à l'oreiller. Donc, mais ce qui est important, justement, donc imaginez-vous que... Donc, on va s'étirer encore une fois. On va se relâcher et maintenant regardez comment vous respirez. N'échangez rien et seulement observez comment il y a l'aspiration et expiration. Et a priori, vous devriez sentir qu'au moment d'expirer, c'est au moment de l'expirer que la détente s'est faite. Et si vous vous dites à chaque expiration, ça se passe tout, vous respirez naturellement, à chaque expiration, vous ajoutez un petit peu de relâchement. Vous ajoutez un petit peu de, donc c'est des détentes. Comme si cette détente augmentait, et quand vous voyez que vous ajoutez cette détente, que vous pouvez, vous arrivez à la diriger vers l'endroit qui, de votre choix. En expirant, vous ajoutez de la détente à l'endroit où vous voulez. Et vous pouvez aller dans votre endroit, par exemple, vous pouvez changer l'endroit où vous dirigez votre détente. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est focalisé, parce qu'on peut, choisir, on peut s'imaginer. Et si vous voulez, vous pouvez par exemple choisir un organe ou un endroit où vous effectuez une sorte de massage circulaire. Comme si vous avez une capacité de mettre en vibration un endroit précis de votre corps. Et normalement, donc, l'exercice, ça se termine là. Si on le fait plusieurs fois, pendant plusieurs jours, le corps va comprendre qu'on veut développer une nouvelle capacité. Et avec cette capacité, on pourra petit à petit agir. Par exemple, quand on aura une douleur quelque part, on pourra réussir à les neutraliser. Et si vous mettiez une main sur la tête encore, et l'autre main à l'endroit de... Tu vois, ça ne va pas comme ça. L'autre main où ? On ne sait pas. Donc vous pouvez vous tourner sur les côtés. Ah oui, sur le ventre aussi, c'est bien. Parce que j'ai essayé. Hein, par exemple, si tu as mal au genou, tu vois, si tu as mal au genou, voilà, là, il faut quand même bouger un petit peu. Voilà, vous... Mais toujours gardons la confiance et la détente qui fait que voilà, que tout est... Il y a une sorte d'harmonie qui s'est faite. Il faut un oreiller, ouais. Il faut un oreiller, ça va pas. Il y a même des oreillers, là. Attrape. Voilà, tout. Oui. Hop là. Merci. Allez, t'en mords pas. Hein. Oh, oui. Bon, si tu as un oreiller qui est magnétisé, ça y est, ça va. Il sent la puissance de ses nerfs, mais normalement, justement... Ça, on peut comme ça accalmer l'endroit, je m'imagine comme ça, chercher la détente et à ce moment-là, l'action de guérison peut se mettre en route. Et si on fait ça avant le sommeil, il y a une chance qu'on va dormir sans tension et que le corps, justement, sans tension, il pourra avoir des conditions idéales pour la régénération, pour réparer les... C'est la nuit que l'on commence le repas. Oui, on peut faire ça. Mais on peut, si on veut, on peut mettre à n'importe quel moment. Les chiens, par exemple, ou les chats, ils font ça à n'importe quel moment. Pour enlever la douleur, voilà, c'est bien justement les soirs, faire les soirs, parce que c'est dans la nuit, quand on est dans le sommeil profond, que les corps fait les c'est travail. Comme un traitement, même. C'est bon de prendre le soir parce que ça agit la nuit. Est-ce que vous allez... Oui, il y a tout qui s'intensifie. Donc après, si vous avez la douleur qui, par exemple, qui devient plus forte, ça veut dire que quelque part, les corps a compris à l'envers. C'est-à-dire, il faut se dire, c'est rien, c'est pas un problème. Parce que si on commence à regarder une douleur comme un problème, c'est sûr qu'il va augmenter, qu'il va persister. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a réflexologie plantaire, faciale, d'autres qui ont ce principe quelque part. Ils stimulent les endroits, mais c'est aussi l'organe, voilà. Palmaire, auriculaire. Voilà, il y a plein de liens dans les corps nerveux qui peuvent permettre, et moi je pense que c'est peut-être justement la détente qui permet de stimuler un organe à sortir de cette logique des stress, des douleurs pour, Il n'y a pas que, non, parce que quand même les points sont liés à ça, aux organes. Donc, il y a quand même des connexions. Électriques ou d'autres qui se forment. Ah oui, mais c'est aussi un signal de ne t'inquiète pas, tu arriveras, tu pourras réparer les choses. Aussi, bien sûr. Donc, vous voulez rester comme ça Non, on est parti, bye bye. Je me rends dehors. Donc, vous pouvez rester si vous voulez. On fait de sieste. On va continuer. Donc ça, c'est les... Hop là, on continue. On se lève. On continue. En tout cas, peut-être si ça ne vous gêne pas, vous pouvez ajouter votre impression, votre remarque, votre observation, qu'est-ce que vous avez ressenti. Et je pense qu'Isabelle, elle pourra écrire des cris parce qu'elle connaît déjà cette chose. Je trouvais qu'à un moment, ça a lâché, mais après un certain temps, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Est-ce que vous avez senti le plaisir, effectivement, le plaisir extrême, carrément? Oui, de la détente corporelle, après l'étirement. Mais c'est vrai que ça donne envie de pratiquer, quoi. Bah oui, si on sait, justement, qu'après les douleurs, on peut les traiter par nous-mêmes, par les moyens internes, sans chercher. Et justement, mais ce qui est important, c'est d'agir tout de suite, et même carrément, avant que la douleur s'installe, on se cogne et on sait que normalement ça va faire venir la douleur et on commence déjà la détente. Voilà, que ça soit un réflexe et que a priori c'est très rapidement ça vient, ce réflexe-là. Et après, donc, il y a d'autres douleurs. Donc ça, c'est la douleur qui vient de manière... accidenté, qui est ponctuel. Et on peut cette méthode utiliser aussi dans les cas de comme il y a mal de dents, quand il y a le stress, ou quand il y a les douleurs plus chroniques. Donc on peut utiliser cette méthode-là, je crois. J'ai pas des retours. Il y a beaucoup de gens parce que, à part Jeanne. Elle n'est pas réveillée, ça a trop bien marché la méthode. À part Jeanne et moi-même, je n'ai pas eu trop de retours. Je ne connais pas les personnes qui ont utilisé cette méthode. Ouais, c'est une chose naturelle. C'est vrai que moi, perso, je le fais naturellement. Hein. Oui. Le soir, je m'endors comme un saint. La main sur la tête. Souvent la main sur la tête. Ouais. Et en tant que yogi. Moi, je mets la main là, souvent, sur le côté, là, sous l'oreiller. Souvent, je dors comme ça. Ah, sur les mâchoires. Je mets sur le côté. Ouais, là, je mets là. Ouais, les mains, comme on dit, les mains sont intelligentes, elles savent. Se poser quand il faut se poser. Mais... Et en tant que yogi, est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose? Parce que yoga. Ouais, tout ça, c'est la partie du yoga. Bah, il y a la respiration aussi qui joue aussi sur la détente. Mais la différence, c'est que quand on modifie. La respiration dans le yoga, c'est ça? Ou on la calme. Ou on modifie comment? Oui, on modifie. C'est pas une respiration normale, c'est une respiration amplifiée. Et les sentiments, c'est à peu près la... Les sensations? C'est-à-dire, est-ce que c'est à peu près la même méthode qu'on a fait maintenant? Ou c'est-à-dire que les résultats, quand tu compares... Le résultat, c'est un calme profond. La respiration, c'est lié au psychisme. Donc ça amène un calme profond, encore plus profond. Plus tu pratiques, plus la respiration, elle se calme, mais naturellement. C'est-à-dire, tu respires de moins en moins vite. Plus tu es calme et lucide. Plus tu es calme et plus tu es lucide. On utilise yoga contre les douleurs aussi. Voilà, après tu peux aussi envoyer la pensée sur la douleur et comme tu disais, l'expire tu relâches, l'inspire tu prends conscience de la douleur et l'expire tu relâches. Alors moi, quand je faisais la méditation, je le fais faire à certaines personnes, bon, je voulais à un moment donné me donner des cours, j'avais trouvé une technique peut-être que tu vas connaître, donc justement, te mettre en méditation, tu écoutes ta respiration, et une fois que tu es en alpha, c'est de... Tu inspires, et au moment où tu expires, tu fais tous les chakras et tu repars par les pieds. Et ça te calme, mais vraiment, la fréquence de la respiration, tu envoies tout dans le sol. Tu pars de la tête, tu fais tous les trucs, et ça part par les mains et par les pieds. Moi, je faisais 10 respirations comme ça, et ça te nettoie complètement. Après, le principe de la méditation, c'est la concentration au départ. C'est ça. Donc après, tu peux te concentrer sur ce que tu veux. Oui, tout à fait. Ça va te faire du bien. Ouais. Tu te concentres sur ça, ou tu te concentres sur un mantra, ou un yantra, ou n'importe quoi. Et yantra, c'est quoi? Yantra, c'est un symbole, tu vois, que tu mets au mur comme ça, que tu fixes. D'accord. Donc, mantra, c'est verbal, et yantra, c'est voilà. Graphique. Le suffixe tra, dessin, tra, tu sais. Le suffixe tra, ça veut dire que c'est un outil. C'est un outil. Mantra, ça veut dire que c'est un outil pour le mental. Yantra, c'est un outil plus visuel. Après, il y a plusieurs techniques, tu vois, mais tu te concentres sur ce que tu veux. Mais le but, c'est de focaliser la pensée, qu'elle ne parte pas à droite, à gauche. Oui. Et ça, après, dans la vie quotidienne, et quand on développe cette observation interne, on voit que dans certaines situations, il y a par exemple, moi je remarque souvent que je commence à serrer les dents, je les remarque tout de suite, et je fais pour que ça s'en va, et à ce moment-là, l'histoire de stress se diminue aussi. C'est-à-dire quand on se concentre sur les choses, la cause, elle part sur un autre plan. C'est-à-dire, voilà, la cause, c'est le point de départ, mais on la laisse vite fait derrière le dos parce qu'on est sur le chemin de... Ben souvent, on n'est pas conscient. On n'a pas conscience de son corps ou des parties du corps parce que notre mental est ailleurs. On pense, on est beaucoup dans la pensée. Donc, tu vas calmer la pensée, forcément, tu vas te reconcentrer sur ton corps. Et le but de tout ça, c'est justement de calmer le mental. Voilà, de donner au corps. Bon, le stress de temps en temps. Et d'être plus conscient de son outil, corps, oui. Plus conscient de son environnement. C'est le but. Oui. Et après, il y a encore d'autres choses. Parce que, quelque part, cette tension, cette pollution douloureuse, si je peux appeler ça comme ça, elle est dans les auras, dans le corps, énergétique, à l'extérieur. Et tu te souviens, on a enlevé la douleur de ta tête un jour. Tu te souviens, quand tu étais chez moi, on faisait les gestes d'attraper ce que lui nous a appris. Oui, mais c'était aussi le magnétisme. L'eau de mer. L'eau de mer aussi. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça revient, la douleur? Non. À ce moment-là, c'était fini. Après c'est revenu. C'est revenu, mais j'ai fait une cure d'eau de mer... De bien. Ouais. L'eau de Canton. Ouais. Ça, c'est magnifique, ce truc. C'est puissant. C'est vrai. Ouais. Donc, en tout cas, j'ai essayé plusieurs fois avec différentes personnes, même avec ma fille qui était très sceptique, et que au-dessus de sa tête, on attrape quelque chose, on les jette tout au long du corps. Et ça apporte une détente supplémentaire. Et moi, à vrai dire, je le faisais chaque fois. Quand je faisais les matins, je me réveillais, je m'étirais, je faisais la détente totale, et après, j'enlevais justement cette énergie énergétique que j'étais vers les bas. Et c'est bon, c'est suggestion probablement, ouais, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est... C'est une des méthodes encore d'agir sur cette... Même la méditation, ça purifie ton aura, le chant de mantra, plein de choses. Mais là, ce que tu parles des passes, quand tu as une douleur, ce qui fait circuler, quand tu as une douleur, ça fait un blocage. Quand quand on a une maladie ou un choc ou quoi, ça fait un blocage, et l'énergie qui rentre par le cerveau et qui repart par les mains et par les pieds, arrivée au blocage, elle ne passe plus. Ça, c'est typiquement dans le magnétisme. Et donc, quand tu fais des passes comme ça, tu refais circuler l'énergie, tu vas enlever, et lorsque l'énergie elle repasse normalement, si tu fais une dizaine de passes, déjà, tu vas sentir, parce que tu n'as plus la chaleur dans la main au bout d'un moment, à l'endroit où il y avait même une douleur, et quand l'énergie passe, ton corps il va réparer parce que l'énergie elle est propre, elle vient et elle nettoie et elle répare. Et au lieu d'avoir mal, où la douleur s'en va, ou si tu as un hématome, au lieu que l'hématome il bloque et qu'il mette 4 jours à passer, en une journée et demie, tu n'as plus rien. Mais souvent, ouais, les articulations, c'est important, hein, quand tu t'étires comme tout ça. Tout à fait. Hein, tu t'étires les articulations, là, les poignets, souvent ça bloque aux articulations. Donc ça c'est bien. Et puis les muscles qui s'étirent, c'est bon aussi, parce que ça se dégage le sang. Ouais, parfois il y a du sang qui reste dans les muscles et c'est pas bon. Bah oui, et déjà on a des dévis, on est assis devant l'ordinateur ou on est immobilisé. Et les gens qui sont alités à l'hôpital, je pense qu'obligatoirement, ils devraient les faire pour éviter les escarres ou éviter des problèmes des longs alitements. Ils peuvent s'étirer et ça fait déjà ça entretient les muscles. Tous les fascias, les tendons, etc. Et là, maintenant, donc, les mécanismes. Et c'était donc... Louis m'a fait penser que cet monsieur en Pologne, il pensait que c'est stimulation. Qu'en fait, stimulation des champs, les champs qui parcourent. Après, j'ai vu un médecin chinois qui disait que quand on fait les massages de cou, par exemple, il faut tenir la main sur la tête parce que ça coupe justement la circulation des énergies ou des flux avec l'univers et que c'est... Je me suis disait que ça fait les circuits courts dans le corps et cette énergie, elle reste pour réparer qu'elle s'en va pas. Et après, donc... il y a peut-être cette idée qu'on agit justement pas sur le corps physique, mais sur le corps énergétique, ou les trames énergétiques, ou je ne sais pas comment dire, trames du corps, que le corps il est en douleur au moment où il est désynchronisé de cette base, de cette trame énergétique. Et par exemple, qu'on avait ici, tu te souviens, Thaï? C'était un Vietnamien qui venait une fois et il montrait... Celui qui parlait beaucoup, là. Oui, celui qui parlait beaucoup. Et qu'il y avait une amie, là, Laurence, qui s'est tordu les pieds. Et comme il a fait il a mis les mains comme ça, derrière, bon, j'essaie d'expliquer bien... Et donc la jambe était en sa jambe, son pied était entre ses mains et il essayait de trouver les champs magnétiques liés à pied et il disait que son pied était carrément déplacé de plusieurs dizaines. Voilà, le corps éthérique qui se déplace, qu'il faut remettre en place. Voilà, et il a remis et effectivement la douleur qu'elle avait depuis plusieurs mois est partie et je l'ai vue un mois après. Et 6 mois après, elle disait que c'était définitif, que c'était parti. Donc il y a ce problème peut-être des chocs qui fait que le corps il n'est plus, il se déplace par rapport au tram. J'appelle ça tram, mais ça peut être matrice ou je ne sais pas quoi d'autre. Et que c'est ce travail de les resynchroniser que soigne les maladies différentes. Et la douleur, peut-être, a aussi la tension, même s'il n'y a pas de choc mécanique, elle peut faire cet arrachage entre ces deux corps. Et les vibrations, probablement aussi, ils jouent là-dessus d'une certaine façon. Parce qu'on sait bien que les vibrations, ça détend, ça peut détendre les corps aussi. Les muscles, quand il y a des gens qui sont... dans tension, on met les bols, on passe les bols tibétains, et ça les Ça dépend des vibrations. Ça dépend des vibrations et des manières comment on les utilise. Le chaman emploie beaucoup les bols. Mm. Les chamans guérisseurs. Mm. Oui. Je me souviens en Belgique, ils guérissaient tous les corps comme ça. Moi, je peux confirmer que cette vibration, ça peut aider beaucoup dans quand on se débarrasse des calculs rénaux. Parce qu'effectivement, moi, j'ai fait autrement, je n'avais pas un bol tibétain. Et j'ai entendu, j'ai lu quelque part, parce que très souvent, c'est sur Internet, on capte les idées très sympathiques. Donc, quelqu'un disait que c'est avec la musique de bol tibétain qu'il a enlevé les calculs. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai téléchargé la musique, je la mets sur haut-parleur, j'écoute et j'ai dit non, ça ne va pas, ça va rien faire. Et quand j'avais ça sur une petite barrette de mémoire, sur une petite carte de mémoire, pour ne la pas perdre, je l'ai mis dans une enceinte. Une enceinte, oui, pour écouter. Et j'ai oublié. Et quelques jours après, je mets en route et ça commence justement avec cette musique tibétaine, et je sens que cette enceinte, elle vibre très très fort. Et je me suis dit, oui, c'est ça. Je me suis couché, j'ai mis ça sur l'endroit parce que j'avais justement l'attaque de ça. Et je ne vous raconte pas les détails, mais il y avait un calcul qui est sorti. Mm-hmm. Et il est sorti. Devine. En faisant pisser. Oui. Voilà, il s'est dit, ça a dû faire mal. Il s'est dissous ? Justement. Donc peut-être. Moi, je l'ai fait. Moi, je pense qu'il essayait. Ça fait mal parce qu'il essaye de passer et il n'arrive pas. Et la vibration, ça fait qu'il y a une pression et il avance petit à petit et c'est moins douloureux parce qu'il y a un travail à côté qui s'est fait. Voilà. Donc en tout cas, pour moi, c'était très efficace parce que c'est vrai qu'on utilise ultrason pour dessoudre, casser les cailloux. Moi, je l'ai fait sur une jeune personne qui avait un calcul dans les reins. Et donc, je l'ai magnétisé comme je fais ma méthode, là. Mm-hmm. Et j'ai demandé à l'univers de dissoudre le calcul, de le disloquer. Et elle a été voir le médecin, elle n'avait plus de calcul. Et par exemple, moi, j'ai compris... Je ne suis pas un magicien. Mm-hmm. C'est le ciel qui m'a donné l'opportunité de faire ça. Mm-hmm. Et il y a un truc que je fais, par exemple... qui sont des cristaux aussi que tu dissous ou que tu remets dans la trame originelle. Mmh. Le exact, c'est de remettre dans la trame originelle. C'est les gens qui ont des vertiges. Les vertiges, ça vient de l'oreille interne. Dans le vestibule, il y a du liquide amniotique, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça, du liquide qui est avant la clochée, qui est dans le vestibule. Et quand on est stressé ou en vieillissant, ou quoi, c'est les gens qui sont un peu âgés ou quoi, se forment des cristaux dedans. Ah. Et quand on bouge les cristaux, ils tapent les uns contre les autres et ça fait des vertiges. Mmh. Et bien ça, je l'enlève. En faisant le tort, en demandant que ça revienne à la trappe originelle, et je demande à l'univers de dissoudre les cristaux. Mmh. Et je le fais, ça marche. Et toi, tu es magnétiseur ? Un peu plus, oui. C'est quoi plus? Le magnétisme, c'est uniquement les passes, pratiquement. C'est pratiquement que les passes. Et moi, je fais de l'ostéopathie douce, c'est-à-dire de l'ostéo sans toucher. C'est-à-dire, donc, je travaille avec l'esprit. Je fais aucune passe. Je fais un mouvement de tor, de huit de l'infini avec mes mains. Et je soigne pratiquement beaucoup de choses. Pratiquement tout, je ne vais pas me vanter, mais... Pardon ? Comme Luc Baudin et tout ça. Non, Luc Baudin, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça, Baudin ? Non, il ne fait pas... Il parle du tor ou de huit de l'infini, mais il ne le pratique pas. Celui qui a inventé ça, c'est un ostéopathe qui s'appelle Jackie Roux, qui est sur Internet, et ses enfants vendent la méthode pour faire du fric, les enfants, parce qu'il est décédé, ils vendent la méthode, c'est tout à fait autre chose. Ah oui. Voilà. Luc Baudin, il fait du magnétisme poussé, où il fait les passes, mais il demande à l'univers, il va ressentir les flèches, les pieux, tout ça. Tout ça, c'est de l'ordre du magnétisme, ça, je peux le faire. Mais l'ostéopathie, ça remet carrément en place. Et quand tu parlais tout à l'heure du corps, tu dis que bon, je sais pas si c'est le mental ou quoi, mais moi quand je travaille, quelqu'un qui se... Parce que si tu as une douleur au dos, que tu t'es déplacé une vertèbre, en te relaxant, ça peut arriver que ça se remette en place, puisqu'ils te disent maintenant de marcher ou de faire des trucs. Mais si elle est bien déplacée ou si tu as un disque abîmé, ça ne se remet pas en place. Bah non. D'accord. Donc, comme tu disais justement, la douleur, ça vient des muscles, parce que les muscles du rachis, lorsque tu as une vertèbre qui commence à se déplacer, ils bloquent. Et c'est ça qui fait que tu es complètement bloqué. D'ailleurs, tu vas chez un ostéopathe, il va te travailler le muscle du rachis, il va te le détendre avant de te manipuler. Le psoas. Voilà. Moi, je le fais tout ça, je le fais par l'esprit, sans toucher. Et le muscle du rachis, les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Ouais, ça s'appelle le psoas. Ah, le psoas. Le psoas, voilà. Oui. C'est les muscles du rachis, donc c'est ce qui tient tout à fait. Ça descend jusque-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, le muscle, il bloque, tu vas débloquer. Et moi, quand je travaille, je remets en place, mais je donne l'ordre, je ne sais pas comment ça se passe, je donne l'ordre au cerveau, au corps, justement au corps, de remettre en place, et ça se met en place dans les 24 heures. Donc, c'est-à-dire, moi, je donne l'ordre au départ, ça dure une demi-heure, je vais travailler pour donner l'ordre, mais c'est pas remis en... il y a des gens que ça remet en place tout de suite. Mais généralement, tout ce que je fais, ça se fait sur 24 heures. Donc, c'est le corps qui prend l'ordre de remettre en place, et il le refait, donc il a une mémoire qui guérit, quoi. Il a une mémoire qui enregistre, qui peut guérir, qui peut agir. Voilà. Par contre, effectivement, quand j'avais un lumbago, et cette méthode de détente, d'étirement, ça n'a pas aidé. C'est-à-dire, sur les coups, et ça enlevait la douleur, mais après, tout de suite, on avait... Le lumbago, il est toujours... Voilà, donc il faut donc utiliser la méthode avec la main sur la tête, et bon, quand on est couché au lit, ça, au fur et à mesure, ça agit. Avec l'eau de mer gardée dans la bouche, aussi, on donne au corps les matériaux de réparation. Je pense que l'eau de mer, ça agit comme ça. Et donc, je ne connais pas d'autres contre-indications. Peut-être qu'il y en a des contre-indications. Mais parfois, pour guérir, il faut du temps aussi. Pardon? C'est ça. Il faut du temps pour guérir. Ah bah oui, bah oui. Pas... c'est pas immédiat, mais on parle de la douleur. D'enlever la douleur, c'est déjà bien. Mais ça fait partie des croyances. Si on enlève la croyance, on peut être réparé très vite. C'est quoi la croyance? Une croyance. Oui, mais c'est quoi? Si tu dis, il faut du temps pour que ça guérisse, eh bien, c'est une croyance. Donc, tu émets automatiquement. Parfois, pour la blessure, pour une fracture, il faudra forcément... Non, parce qu'il y en a qui peuvent guérir très très vite oui, et se cicatriser à tout à l'heure. Oui, mais quand tu as une maladie, c'est que tu as quelque chose à comprendre, tu as quelque chose à voir. Oui. C'est pas pour rien que tu as une maladie ou bien même sûr. Si tu as une fracture. Une accident, c'est jamais pour rien. C'est jamais pour rien. C'est que tu as quelque chose à comprendre de ton. Ou c'est un avertissement. Donc parfois ça prend un mois, parfois ça prend un an, parfois ça prend trois ans. C'est clair. Mais oui. Ça demande du temps. Oui, si on met plusieurs techniques en place pour se soigner, se guérir, que ça revient et que ça perdure, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, voilà, il y a aussi un travail du mental et sur le corps qui ne se fait pas, c'est pour ça que ça dure. Ouais. C'est ça. Donc parfois ça ne guérit pas parce que tu n'es pas prêt pour guérir. Voilà. Le maladie, quand on décompose, le maladie, c'est le maladie. Donc il faut arriver à le comprendre, le mal. C'est ça. C'est la difficulté de beaucoup de gens. Il y a une autre chose, ça c'est. Relève d'une autre histoire, mais c'est avec les calculs. Si on comprend justement des fois ces compréhensions d'où vient la douleur, qui nous permet, quand on comprend que la douleur vient du moment où les calculs veulent sortir des reins pour passer par les conduits là et que ça bloque ici, si on, et ça j'ai entendu parler à une dame qui me faisait la échographie, elle a dit qu'il y avait quelqu'un qui lui disait que c'est. Il se met sur la tête pour enlever. Et moi, j'ai fait... Bon, je ne me suis pas sur la tête, mais j'ai fait les comment ça s'appelle? La chandelle. En me tapotant un petit peu, et les cailloux, ils reviennent dans les reins. Par contre, à ce moment-là, si on comprend et d'où viennent les calculs, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est parce qu'on ne s'altère pas assez, on ne boit pas assez d'eau, on boit l'eau qui n'est pas bonne, et il faut boire l'eau qui n'est pas bon, dynamisé, mais qui est, par exemple, on prend l'eau gazeuse avec l'eau Vichy, où il y a bicarbonate de soude naturellement, et Caillou, ça y est, les calculs, ils ont. Il faut arrêter la cause. Oui, bien sûr, c'est la situation. Ça peut devenir dangereux si on, par exemple, on règle les problèmes sur les temps, sur le coup, et enlever la douleur. Il faut revoir ton alimentation. Après, ça peut être très grave. Donc, il y a le mental, les émotions et l'alimentation. Ah ouais, ben on peut boire si vous voulez bien. J'ai retrouvé le terme. Il y a qui prennent des maladies. Alcoolisation, voilà, c'est ça. Sans arrêt, ils ont des émotions qui ne passent pas, quoi. Et donc, de point de vue général, on ne devrait agir pas. Dans notre société matérialiste actuelle. On laissait pas sur les causes, ça part pas sur les symptômes. Donc, l'idéal, ce serait que ça n'arrive pas, les situations. Donc, quelque part, merci. On peut, par l'expérience, justement, quand les enfants, par exemple, ils touchent la cheminée, ils se brûlent et après ils savent qu'il ne faut pas toucher. Donc ce serait bien d'avoir cette intelligence et la mémoire. Des fois c'est le corps qui a la mémoire et ils nous l'ont fait. Mais, oh là là. Mais c'est parce que ça. Les semelles ont accroché. Oui. Donc par contre, ce qui est bien, qu'on comprenne d'où ça vient et quand. Quand évitement, c'est très bien. Sauf si on veut justement entraîner les corps. Ça s'appelle l'éveil de la conscience. Ça se fait petit à petit. Pourquoi je suis malade? Parce que je mange mal? Parce que je. Et on est à moitié guéri quand on a l'éveil de la conscience. Parce qu'on prend conscience d'où ça vient, la guérison est en marche. Oui, c'est déjà à moitié guéri. Pour ça, c'est pas une croyance, c'est un chemin, c'est un processus. Ben oui. De guérison, et la réflexion, parce qu'on peut apprendre bien de nos erreurs, mais aussi de l'autre. Moi, pour moi, l'exemple phare, c'est quand on a acheté l'appartement ici, il y a l'escalier pour aller au premier étage en bois. Et les propriétaires d'avant, ils nous ont vendu parce que le monsieur, il disait, je ne peux plus monter, aller là-haut parce que j'ai douleur dans les jambes qui sont... Je ne supporte plus d'utiliser l'escalier. Et deux mois après, donc on était installé là-bas, j'ai commencé à avoir les mal dans les pieds. Et je me suis dit, ce n'est pas normal. Si je n'avais pas entendu cette histoire, je saurais pas que c'est l'escalier qui sont coupables. Et il suffisait de changer. Et des fois, ça c'est une grande leçon, que des fois il suffit de changer rien, carrément, et ça change tout. Et ce que j'ai changé, que j'ai arrêté de descendre le pied droit comme ça, j'ai commencé à descendre le pied comme en montagne, on descend, et depuis, je n'ai jamais eu mal. Donc des fois, justement, c'est... Parce que l'escalier, il tourne, non? Non, il descend, mais ils sont peut-être un petit peu trop raides, et ça fait que... Et on utilise des muscles. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est difficile de monter une montagne, mais plus douloureux de descendre, parce qu'on tape à chaque pas, on tape. Et ça use des articulations, justement. Donc, il faudrait apprendre à descendre en douceur, en évitant cette exposition au choc. Parce que s'il y a une montagne assez longue, on a pendant 20 minutes ou 30 minutes, voire plus, la descente, ça fait des dégâts. Et des chaussures, si elles ne sont pas bonnes, là, on le sent. Bah oui, à la fin de la descente, tu n'as plus de pied. Hein. Bah voilà. Et à ce moment-là, cette idée de ne pas trouver la position des pieds, les jambes, quand on est... Et que c'est bien de garder la souplesse et d'être un petit peu les pieds... La jambe pliée. Voilà, la jambe dans les genoux. Et d'ailleurs, quand on soulève les... Voilà, moi, j'ai malheureusement, là, vous pouvez dire que je suis pas intelligent parce que je n'ai jamais appris. C'est-à-dire, très souvent, après, par exemple, récemment, j'ai aidé dans un déménagement, j'avais l'umbago qui m'a appris que cette méthode de détente, ça, c'est pas parfait pour tout. Donc, en tout cas, on, petit à petit, avec les épreuves, si on réfléchit bien, je crois, il faut analyser tout, comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'à ce moment-là, on arrive à, avec une chance en plus, ou avec les oreilles entendues, parce que quelqu'un a dit ça, quelqu'un a dit ça, ah, je n'ai pas essayé ça, ça marche très, très bien. Et c'est comme si, effectivement, les destins nous mettaient des informations à assimiler, à prendre, pour que nous puissions... Puis en prenant de l'âge aussi, on fait plus attention. Bah oui, on est de plus en plus délicat. Ben oui, quand tu es jeune, tu fais pas attention. Tu as des préoccupations. Ouais, et puis après, tu te rends compte que wow, c'est de plus en plus difficile. Bah oui, et en plus, on vit dans une époque où on nous incite à ne rien faire. Ouais. C'est-à-dire à ne pas entretenir de notre chose. Et par exemple, bon, moi, bon, je vous dévoile mes bêtises. Mais il y a tout savoir. L'année dernière, bon, ça s'enregistre, mais c'est pas grave. Il y avait une fête à la Biocorp et je devais aller dans la voiture vérifier quelque chose. Et il y a les petites balustrades. Et je me suis dit, je vais sauter comme toujours. Je faisais, j'ai sauté et ça m'a claqué. Ah, oh là là, et en plus, c'est bizarre parce que normalement, c'est pas. Et après, donc avec ma méthode, j'ai réussi à enlever ça, mais ça durait quelques jours quand même. Mais la leçon que j'ai tirée, c'est qu'il faut faire la gymnastique matinale, comme font les Chinois. Avant de sortir du lit. En nous, bon, avant ou après, et trouver les rituels matinaux de faire la gymnastique du matin avec des mouvements tout simples, tout courts, mecs, pour que les muscles, les tendons, puissent un petit peu travailler, se réchauffer, et comme ça on peut éviter au moment d'un effort abrupt que ça fasse mal. Un plaquage du muscle. Et après, avant chaque effort, descendre, de se réchauffer. Voilà, les sportifs, ils le savent, ils se réchauffent à chaque fois. Et moi, d'ailleurs, quand j'étais jeune, au lycée, on avait les clubs des Valley Boys, ça s'appelle. Et une heure et demie, c'était les réchauffements et 30 minutes de jeu. Donc, c'était pas réchauffement, c'était plutôt le travail de résistance. Et boire quand on fait l'effort. Parce que les calculs au rein, c'est quand on fait un effort, jardinage, peu importe, et qu'on n'a pas bu pendant l'effort. Peut-être avant, calcul. Il faut peut-être avant, il faut boire. Avant, pendant. Surtout après. Pendant. Et après, toujours, il faut avoir un biberon attaché. J'ai jamais eu de calcul. Je bois beaucoup le matin, mais je bois pas beaucoup. Voilà, je ne bois pas. Est-ce que vous avez quelque chose? Parce qu'on n'a pas épuisé le sujet, c'est sûr que. Par exemple, ce que j'ai remarqué, que souvent, quand on se dépêche, on a le corps réagit pas bien. Et des fois, ça m'a fait. Une fois, ça m'a fait peur. Et hier, quand j'ai mangé, parce que j'étais en retard déjà, mais j'ai mangé vite fait là. Ça m'a fait que la gorge, à certains moments, j'ai vraiment mal à glutiner. C'est même ça que ouais, déglutir, bloque là. Déglutir, ouais, déglutir. Hein. Quand tu marches trop vite comme ça, ça te bloque ici au plexus. Ouais. T'as l'estomac derrière, c'est ça. Ou lui, pas manger. Donc, peut-être une règle générale, ce serait qu'il faut faire tout avec la conscience. C'est vrai. Tout ce qu'on fait avec la conscience, en contrôlant et en. En optimisant, mais dans le sens, le bon sens, parce qu'on peut optimiser mal, mais optimiser, ça veut dire qu'on fait avec le moins d'efforts et avec se donner le temps, se donner les moyens au corps de s'adapter, de se préparer, de bien conduire une action qui peut être, en principe, qui peut être épuisante ou dangereuse. Donc. Qu'est-ce que vous avez peut-être quand... Isabelle, tu as des choses à dire, je suis sûr. Tout d'un coup, c'est le doux l'heure qui me vient. Le doux l'heure. D'accord. Se tromper, quoi. C'est se tromper, oui. Ouais. L'heure. C'est un l'heure. L'heure, c'est quelque chose qui me trompe. Mais ça vient comme ça. Ah, bah oui, parce que la douleur... C'est la langue des oiseaux. Oui. Et c'est vrai que c'est... La douleur, ça peut nous tromper. Ça peut détourner. Ou nous, nous trompons les corps, et les corps ressentent la douleur parce que. C'est une alerte aussi, non? Oui, c'est une alerte qu'on nous donne. Oui, c'est une alerte. C'est un toxin. Là, voilà, tu n'es pas dans le bon chemin, ou tu te trompes, ou tu es dans la douleur. Bah oui, on a des malaises très souvent quand on fait quelque chose malgré soi. Où on sait quelque part, on soupçonne que c'est pas bien, il y a les corps qui aillent malaise. Ah, en tout cas, par rapport au malaise, je te dis, au moment où on m'a demandé de remettre la Wi-Fi, hein, puisque je ne la mets plus, oui. Ça m'a traversé de là jusque là, mais... Comme si mon cœur allait éclater. Bah oui, parce que ton corps, il a compris que c'est ça. Oui. Quand il a entendu, tu as dit, je vais mettre. C'est comme les citrons, on pense les citrons, oui. Et il y a salive qui vient. Oui, mais ce tu qui dis, est on marrant, va allumer. Je l'ai d'abord fait donc sur la box, oui. De remettre la Wi-Fi. C'était tout un cinéma. Oui, il fallait trouver le bouton, etc. Bon, là, ça a été. Mais quand je l'ai mis sur le téléphone, c'est là que j'ai senti. Et donc, je ne m'y attendais pas. Parce que les corps aussi, ils se déshabituent. C'est ça l'histoire de sensibilité, que quand tu es bombardé tous les temps, les corps ont développé les stratégies pour se protéger et pour un petit peu rattraper les dégâts. Et au moment où ça cède pendant longtemps, les corps reviennent à la normale. Et à ce moment-là, tu deviens très vulnérable et sensible. C'est pour ça que les gens oui, qui et se alors qu'est-ce que tu fais ondes, quand tu pars en vacances dans un riad plein de wifi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas aller dans les riads. Ils sont plus branchés. Des trucs, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut enlever. Ah, les câbles, les longs câbles. Non. Je vais parler dans un riad, aller mettre un long câble. Pour te protéger, Il ne faut pas dormir, les gamins, ils dorment avec. Et tout ça, c'est abominable. Après, si tu pars en vacances, bon, voilà, là, tu ne peux pas y échapper, mais c'est des périodes courtes. Quoi. Et chez toi. Ouais. Si pendant cette nuit, tu as. Tu ne dors pas, parce que moi, si je laisse la Wi-Fi, je ne peux pas dormir quand j'allais. En tant qu'auxiliaire de vie à Nice, pourtant j'étais en bas, mais c'était pire que tout. Mm. Parce que tous les autres étages, tu vois, eux, ils avaient un rez-de-chaussée. Et moi, je ne fermais pas l'œil. Pendant les 3 jours, je ne ferme pas l'œil. Impossible de dormir. Alors, là, tu pourrais rien faire. Et là, on a touché à un sujet qui est, je pense, très important pour que les gens ils comprennent. Que ça, c'est pas seulement les conditions de malheur qu'on a là maintenant, la pollution de toutes sortes, et c'est pas seulement la cause des choses, mais c'est aussi quelque chose qui nous empêche de nous revenir à l'état normal. C'est-à-dire, pour moi, c'est une horreur de voir les gens aller à l'hôpital. Et où il y a des conditions qui sont pathogènes, en espérant que ça va les guérir, parce que c'est il y a des moi je rentre à l'hôpital, la malbouffe, et j'ai envie tout de suite, je me sens pas bien, j'ai envie de sortir, c'est bourré des ondes horribles. Mais il y a aussi un moyen, donc moi je sais quand j'ai été avant le départ de ma fille. Pendant les 2 mois, tous les jours, eh bien, je faisais ce que mon thérapeute me disait. Je prononçais chaque fois les paroles qu'il me disait de faire, et je sentais que j'étais parfaitement protégée. Protégée. Et dès qu'il y avait quelque chose, l'ascenseur ou quoi, jamais je prenais l'ascenseur, je prenais les escaliers. Mais c'est important de se protéger. Bah oui. Mais de bonne manière, c'est-à-dire quelque part la conscience que c'est un endroit dangereux, et ça nous peut faire justement qu'on ressent encore pire le. Non, mais résultat. On peut se dire que c'est un ange heureux. Déjà, ils sont malades, ils souffrent. Ils sont malades, ils souffrent, ils meurent. Donc, le droit, il ne peut pas être bon. C'est dans la mémoire. C'est beau. Hein. Donc, quand tu es là-bas, tu, automatiquement, si tu es sensible, tu le ressens. Hein. Tu as envie de t'échapper. Il faut renforcer son aura. Voilà. Ah, c'est ça, on avait cette idée. L'aura, peut-être, c'est notre bouclier, justement. Oui, tu peux te mettre un bouclier. Tu peux te mettre un coquin. Oui, en priant. Voilà. En chantant le Om, tout simplement, tout le temps. Tout à fait. Tu fais une coque de protection. Énergétique. Et on s'est dit que cette aura, elle est, et ça devient une cache de Faraday, et qu'elle est liée à la terre, et que toutes les ondes, elles nous atteignent pas, sauf les positifs, parce que pour commencer, peut-être, il y a des théories que la vie s'est développée grâce aux radiations cosmiques qui transmettent l'information de la vie, que la matière inerte irradiée, c'est notamment Marcel Violet qui disait ça, irradiée par les radiations cosmiques, ça s'appelle ça, polarisée, la lumière polarisée, qu'elle crée la vie. Et la conclusion, c'est que la vie s'est créée tous les temps. C'est pas il y a 3 milliards et demi que la vie était née sur la Terre. C'est les protons de la lumière qui créent la vie. Bon, pas seulement ça, c'est parce que photons, c'est la lumière visible, mais il y a tout le spectre de l'énergie cosmique qui venait autrefois, normalement, qui atteignait la Terre et qui créait à tout moment, et crée encore maintenant, et la vie des choses inertes devient vivante par l'information qu'elle transmet et qui est brouillée maintenant par les ondes électromagnétiques artificielles qu'on émet. Et il a dit, depuis 1957, on a remarqué que la vie, la vitalité, l'énergie vitale sur la planète décline. Et ça se voit, donc on parle des extinctions des espèces, de faiblesse, lui il voyait avec les plantes, les pommes de terre, ce qu'il travaillait dessus aussi, et longévité, et la durée de vie maximum, parce que c'est, on dit la longévité moyenne, mais ce qui est plus important encore, c'est maximum. Et il disait par exemple qu'au début du 19e siècle, du temps de Napoléon qui a fait les recensements, en 1806. En 1806, il y avait au moins 2 douzaines de personnes qui avaient plus que 115 ans. Et aujourd'hui, on est sur 27 millions, disons, 20 millions. Aujourd'hui, on est 80 millions et centenaires, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, et surtout, je ne crois pas qu'il y a personne. Parce que la doyenne de l'humanité avait 104 ans, quelque chose comme ça. On n'a pas, ou 106 ans, on n'a pas arrivé à 115 ans. Mais en quelle année? 1806. Mmh. En tout cas, moi j'ai une tante qui est morte à 104 ans. En jouant au coaching. La guerre, comme tu dis. 104. Et elle disait qu'elle allait s'occuper des petits vieux. Ils étaient plus jeunes qu'elle. Oui. Tante Margot. En plus. Ah oui, et ça c'est la génération a priori d'après lui, c'est fini. C'est-à-dire c'est maximum et en déclin libre. Et là les vaccinations ne sont pas. Parce que les vaccins, donc en tant qu'une information intéressante, je suis tombé sur un petit livret de Dr. Jules Tissot, édité en 1948, et le titre c'est « Catastrophe des vaccinations obligatoires ». Défendez-les. Allez, interdisez-les, faites-les interdire. Oui, parce que défendez-les, ça veut dire autre chose. Bah voilà, mais à l'époque, défendez, parce que c'est la défense de fumer, par exemple. Ça veut dire les deux, l'inverse, parce que je peux défendre... Oui, ça veut dire les deux, mais oui, oui, oui, bien sûr. Les défendre, et... Ça prête à confusion. Bah, aujourd'hui, on dirait... Refusez-les. Faites-les, faites-les interdire. Donc on va travailler, peut-être on va faire une rencontre sur les vaccinations en tant que calcul qui n'est pas bon. C'est-à-dire tous les calculs sont mauvais, apparemment j'ai entendu parler ça, mais ça rentre malade pour ne pas tomber malade. Un calcul un petit peu risqué. Non, c'est pas rendre malade, c'est stimuler les défenses immunitaires. Ah bah non, parce que justement... Ah bah là, ça les tue clairement, les défenses immunitaires. Ouais. Mais les premiers vaccins qu'ils faisaient, peut-être que c'est... L'idée, c'était ça, au départ, ouais, c'était de mettre... Oui, la maladie a fait affaibli et pour que les défenses immunitaires réagissent. Voilà, donner l'information. Mais là, les nouveaux, depuis, ouais, mais ça, depuis maintenant, c'est fini. C'est pas des vaccins. C'est pas des vaccins. Avec Alain Chabas, il avait fait une super série de reportages sur les vaccins en 9 épisodes, je crois. Un très long travail d'investigation. Parce qu'il a été confronté lui-même au vaccin parce qu'il est devenu papa, donc il s'est intéressé à ce sujet-là. Mmh. Il a fait un super travail, c'est vraiment intéressant. Du coup, il a fait vraiment un travail de recherche sur l'historique du vaccin, les compositions, etc. Mmh. Je ne sais pas si c'est encore en ligne, vu qu'il a eu quelques problèmes. Je ne sais pas si c'est encore trouvable. Sur et là, en tout cas, il n'a peur de rien. C'est génial. Il se présente en politique. Ah ouais. Oui. Oui. Présidentielle, à la présidentielle. Ah bon, je crois. Incroyable. Incroyable. Il ose parler. Ah, c'est ça veut dire qu'il risque de finir par... Thierry Casasnovas. Ah ouais. Mais il risque de terminer quand les Coluche. Bah, c'est ça, comme tous ceux qui ont osé se lever. Écoute, il aura fait... Il aura fait son chemin. Non, mais il y aura déjà... Peut-être qu'il ne va pas aller jusqu'au bout, mais il y aura un espace de parole. Je crois quand même. Parce que même s'il y a des choses terribles, il y a aussi des belles choses qui font avancer dans le bon sens. Quoi. Avec le travail de Claire Abi, ça a fait... Claire Abi, il a travaillé sur quoi? Sur la sur la conscience collective, surtout. Ah. Le fait que, voilà, que chacun a une petite part à faire dans ce grand chemin. Et lui, il s'était présenté aussi au présidentiel, mais après, il s'est retracté en 2002. Donc, c'est important, quelque part, parce qu'il y a plusieurs stratégies de se défendre contre les attaques extérieures et éviter la douleur. Donc, il y a... Bon, éviter, ça, c'est le plus naturel, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On n'avait pas, on vivait... Et on vivait pendant des millénaires sans les ondes artificielles, sans la pollution chimique. Et donc, quelque part, les corps, même si dans notre époque on est avec ça, donc le corps doit s'adapter, quelque part, ça ne tue pas. Par exemple, si on se trouve sur une île où il n'y a ni ondes, ni pesticides, ni rien d'autre, on ne va pas en mourir. Parce qu'on a développé, on s'est adapté à un environnement toxique. Mais a priori, ça ne va pas tuer. Pas tout le monde s'adapte. Ouais, pas tout le monde, justement, c'est ça. Le problème, c'est que ça nous tue à petit feu tous. Par contre, il y a certains qui ne se rendent pas compte. Voilà, il y a plus ou moins de sensibilité aussi, d'hypersensibilité. Et la question que je me pose, je ne sais pas trop quoi dire, mais il y a aussi l'intention qui est derrière, qui est agissante, il me semble. Intention, c'est-à-dire de pourquoi on est bombardé d'ondes, pourquoi... Bah oui, bah ça c'est pour moi, c'est les gens qui ressentent rien, j'espère de ne vexer personne, c'est parce que leur instinct de survie est étouffé quelque part. Et les gens qui, par exemple, qui se sentent mal, c'est leur instinct qui les dit, attention, il y a quelque chose dans l'environnement qui n'est pas bien, qui n'est pas bien. Et peut-être ça fait le stress qui provoque les douleurs. Oui, oui. C'est pas peut-être directement. Non, mais elle parle d'autre chose, là. L'intention. C'est autre chose. Oui, mais quelque part, bon, on se retrouve parce que tout est dans l'intention. Qu'est-ce non, l'intention, c'est une super technologie. Bon, hormis le fait que ça pollue, c'est une super technologie. Faire, vous voyez les avancées, quand même, de la technologie, quoi. L'Internet, la téléphonie. Bah oui, mais ça... Les trucs connectés, avant tu avais des fils de partout, maintenant tout est connecté. L'intention, c'est une super technologie. Mais on va revenir à l'ancien, si on ne veut pas. Peut-être, mais on parle de l'intention. Pour moi, l'intention, c'est une super technologie. Après, voilà, ça pollue et ça rend malade. On ne se rend pas compte de l'impact. Les prix à payer. Et l'intelligence artificielle aussi. Oui. On est suicidaire quelque part, parce qu'en France, c'est comme si, pour moi c'est un exemple qui est bien, quand on voit que quelqu'un s'enfonce dans le marécage, est-ce qu'on va lui dire, allez, avance, avance, progresse, progresse, et il y a, le marécage va se terminer à un moment et tu vas sortir de l'autre côté, ou on va, lui, au contraire, on a dit, retourne sur tes pas rapidement. Je sais pas. Bah oui. Parce que nous, on est dans la situation où on, la fuite en avant. On ne peut plus retourner, on ne peut pas retourner. On ne retournera pas. Bah, on voit très bien comment ça se passe. Ça va crescendo. Quoi. On ne retournera jamais. Avec les sauf si on alors, il y a une catastrophe. Parce qu'on est obligé, on s'en sert, on vit avec les nouvelles technologies. Et oui. C'est ça, c'est ça, c'est qu'on a pris l'habitude de vivre et on ne peut pas s'en passer. Bon, après, il y a des trucs qui sont néfastes, et sûrement que les ondes, c'est néfaste. Ah oui, mais. C'est sûr. Voilà, et ça, c'est la preuve, justement, que notre instinct de survie n'est plus fort. Parce que si on avait l'instinct de survie, le plus important, ce serait de se protéger, de ne pas permettre que ça se développe. Ce qui est de plus fort, c'est le commerce, c'est le. Voilà, on est les esclaves, on ne peut rien faire. Justement, on s'est dit, la technologie se développe, sans nous demander l'accord, on nous baigne dans tout, dans la chimie toxique. On nous dit ce qui est bien pour nous. En plus, ils nous disent que c'est pour nous, que c'est pour nous. La science. Donc, à mon sens, les gens, au moment où ils vont comprendre que c'est... La civilisation, l'humanité se met en péril par cet avancement de technologie, qu'il faudra que quelque chose change et qu'ils comprennent que ceux qui font les business, ce sont des suicidaires qui veulent entraîner avec eux tout le monde. Voilà. Et à ce moment-là, peut-être, ce sera possible qu'on retourne en arrière. Ça, c'est, il faut l'instinct et il faut la conscience. Que la conscience... soit qu'on ne s'arrête pas sur les conforts. Voilà, en fait, il faut dépasser toujours sa zone de confort. Et c'est ça. C'est-à-dire, peut-être aussi le truc de toutes ces nouvelles technologies, ça nous fait oublier des capacités qu'on avait peut-être avant et qu'on n'a plus. Voilà. Oui, ça nous fragilise. C'est-à-dire qu'avant, on avait de l'intuition, il y a même des gens qui disent... Ils pouvaient parler par télépathie ou des trucs comme ça, et on perd tout ça, on devient. On a besoin de ce qu'on nous donne pour. On devient les objets connectés. Des esclaves, finalement. On est esclave de ça. Esclave de ça. Et lobotomisé, c'est tu as bien dit. Parce que les bébés, par exemple, il y a un livre qui est sorti, les Lobotisation. Lobotomisation vivante. Et il parle des bébés. Sur les mots, oui. Il parle des bébés, les bébés qui sont élevés, même s'ils ne regardent pas la télévision, mais qui sont en présence, ils perdent leur capacité justement de concentration parce que notre instinct est fait de telle façon qu'il y a une impulsation, par exemple la lumière qui change ou un bruit, que ça nous fait. Ça attire l'attention parce que c'est danger potentiel, donc réagit. Et si l'enfant il développe la capacité, par exemple, il trouve un objet et il joue avec cet objet-là, il est concentré et il est interrompu par quelque chose, il ne revient plus. Ça veut dire, Et après, ça, si ça se répète, ça se répète, il n'est plus capable de, ben, de se concentrer sur les objets. Les enfants maintenant, mais c'est terrible. Non, c'est terrible ce qui se passe sur les enfants maintenant. Bébé, on leur met des, c'est ce que j'allais dire, c'est des téléphones. Moi, je le vois régulièrement parce que c'est vraiment ma génération de parents. Chez des amis, c'est des écrans plus grands qu'une salle de ciné. Les gamins, tu les poses devant. Sont là, mais ils circulent dans le salon, donc ils sont là. Donc je les vois. Moi, je n'emmène plus mes enfants chez certains amis hein, parce qu'ils ont la télé constamment allumée. Donc je me dis, bon, c'est à moi d'agencer la vie pour ne pas perdre ses amis. Mais pour préserver quand même mes enfants. Et du coup, mes amis ont deux enfants du même âge que les miens, donc un tout petit, 3 ans. Je le vois. Il circule, il joue avec sa tétine. Il est à ça de l'écran. Donc le grand, je lui dis, quand il est comme ça, je lui dis, tu crois pas que t'es trop loin là, tonte. Il reste ça quand même. Donc pour rigoler avec lui. Et du coup, il me regarde complètement abruti de télé. Le pire, c'est qu'ils sont addicts, quoi. Ils sont addicts. Et ils sont complètement désensibilisés. Mais Hernande, c'est... Et du coup, à l'école, le grand, il a des problèmes d'apprentissage. C'est pire qu'ici. Il y a une inconscience, mais terrible. Il leur donne un petit bébé, il leur donne le téléphone comme ça. Dans les poussettes, ils sont comme ça. Ouais, dans les poussettes. Ici, il y a une petite prise de conscience. Tu vois, les gens, ils résistent un petit peu. Là-bas, alors non, les... Bon, alors, peut-être que, comme ils sont plus d'un milliard dans le lot, peut-être qu'il y a les classes un peu plus classe moyenne ou un peu plus aisées qui font un peu plus attention. Mais les gens, c'est terrible. Bah, mais ils vont payer un jour les enfants. C'est terrible. Les gamins, tu ne peux plus leur enlever le téléphone maintenant. Les ados, même les adultes, quoi. Les adultes, tu vois. Même dans les voitures, maintenant, il y a carrément des écrans, je crois, dans les sièges, pour que les enfants derrière, ils aient le DVD pendant la voiture. Dans les salles d'attente, tu regardes les gens, mais ils sont tous sur la télé. Tous. Il n'y a plus personne qui parle entre eux. Ouais, puis il y a un journal. Voilà, donc tu vois que l'humanité va... Mais dans les salles d'attente, il n'y a même plus une revue, quoi. Il n'y a même plus une revue pour pouvoir... Et les gens ne se parlent plus. Mais il y avait un témoignage d'Isabelle à propos de ça. Oui, mais je reviens en arrière, tant pis. Oui, c'était pour témoigner que quand je passe une nuit dans les vignes et les oliviers sans ombre du tout, je suis dans un état complètement différent. Je me sens. Mais je retrouve mes capacités. Et après une nuit où les voisins ont le wifi, j'ai un brouillard dans la tête et j'ai beaucoup de mal à avoir la disposition de mes capacités cognitives, mes physiques, mon enthousiasme, tout s'effondre. Et j'ai beau essayer de me protéger dans une bulle, toute une nuit, ça le fait pas. Quoi. Je me réveille, j'ai les bras engourdis, qui tremblent, j'ai l'impression que l'électricité me traverse mon corps. Voilà. Et je suis dans un état de faiblesse. Quoi. Je me sens faible, je ne me sens pas du tout... Voilà, c'est juste ce témoignage. Mais non, mais c'est sûr, c'est le problème de notre sensibilité. Mais tu... Eh ouais, il faut trouver... Alors, le problème, c'est qu'il n'y a plus de zone blanche, c'est difficile. Ah, oui. Quoi. Oui, mais il faut aller où, alors, pour vivre sans zone, c'est ça. C'est où, là où tu coupes les oliviers, c'est dans le secteur là où oui, c'est en fond de vallée, entre Casto et Salins, mais il y a trois ans, il y avait... Ça captait pas, maintenant ils ont rajouté, en allant vers Rifforent, maintenant ils ont rajouté une antenne à Rifforent, il y a celle de Salène, celle d'Entre Casto, et donc ça capte de partout, mais moins qu'ailleurs. Il faut trouver des... Et comme, oui, mais c'est cerné, donc il faut déjà ne plus se sentir désespéré parce que se sent cerné, mais ça, maintenant... Ça ne mine plus puisque c'est comme ça. Mais voilà, c'était juste un témoignage de l'effet et que je ne sais vraiment pas comment. Alors parfois, ça crée des douleurs, oui, mais je ne sais pas comment arrêter ça. Parce que cette sensibilité, elle est sensible à ce qui est néfaste comme à ce qui est bon. J'ai aussi une très forte sensibilité à la nature, à la beauté. Renforcer l'aura. C'est ça. Et... Trouver des moyens de se renforcer. Est-ce que tu as essayé de porter une orgonite sur toi? Une orgonite, non? Oui, parce que les orgonites, c'est un alliage... J'en ai une petite, oui. Parce qu'apparemment, c'est quand même assez efficace. J'en avais une petite à un moment, j'ai trouvé... Mais ça fait longtemps que je l'ai perdue. Et ça te faisait... Ça te... Non, je la mettais plus, parce que ça... Ça ne faisait pas d'effet. Ça n'avait pas d'effet. Je ne sentais pas d'effet. En tout cas, quand Tarek et Isabelle sont venus à la maison après la séance d'électrosensible, eh bien, et qu'ils ont enlevé cette Wi-Fi, donc ils ont mis un fil de la télé à la box en enlevant la Wi-Fi et tout ça, eh bien, j'ai vraiment senti que j'étais comme de bonne humeur tout à coup. C'était incroyable, parce que j'étais quelqu'un de différent. On a l'impression que tu es beaucoup mieux. Oui, mais là, ces jours-ci, comme j'ai dû voir plusieurs fois la personne pour réinitialiser ce... Et puis que lui-même dit « Oh, c'est insupportable, cette wifi qui n'y a pas !» Voilà, donc... Je dis, ben, tu préfères que je me sente très mal. C'est Wi-Fi. Quoi? C'est insupportable. C'est la insupportable qu'il n'y ait pas de Wi-Fi ici. Ah, qu'il n'y ait pas de Wi-Fi. Qui c'est qui a dit ça? Pas de nom. La personne qui est venue changer. Qui est venue changer. Bah, j'ai une voisine, j'ai l'impression qu'elle croit que ça l'entretient la santé. Wi-Fi, voilà. C'est grâce à Wi-Fi qu'elle continue à vivre très longtemps. Les gens, ils croient maintenant. Et pourtant, on peut voir que ça ne va pas bien. Il y a 80% des gens qui ne sont pas réveillés. Mais lui, il est crevé tout le temps. Oui, même plus. Non, mais bon, c'est la moyenne, c'est la majorité. Les éveillés, on est 10 ou 15%. Il est en 66. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les moyens de renforcer l'aura, alors. Je sais pas. De renforcer, je sais pas. Une pratique spirituelle, peut-être faire du yoga, aller au monastère Saint-Michel, prier. C'est ressourcer. Faire monter ses vibrations. Voilà. Oui, faire remonter ses vibrations. Sans arrêt. Je pense que ça veut dire l'avenir, et l'avenir, il est dans la... Dans la prière. Hein. Oui. La prière, ça marche bien. Hein. Il ne faut pas croire que ça ne marche pas. Il ne faut pas aller à l'église tous les jours en disant je veux de l'argent, je veux ci, je veux là. Mais moi, par exemple, pour des soins, pour le feu, je fais mes soins à la mer et je fais une prière trois fois. Il faut faire toujours trois fois. Je fais une prière et franchement, ça enlève le feu. Quoi. Ça enlève plein de choses. Les gens qui ont une tendinite, je les soigne comme je fais et je fais trois fois la prière du feu. Et ça enlève la tendinite. Ça, l'inflammation. Oui, tout le monde. Non, mais, donc ça marche, les prières. Hein, oui, voilà. Mais sans parler de guérison, mais ouais, voilà, personnellement, mais d'avoir demander la protection. D'avoir une pratique personnelle et spirituelle. Ça marche bien, les prières. Hein, tu choisis une prière. Tu n'en manques pas. Et la douleur. Tu n'en manques pas. Mais non. Elle est que ça. Donc. Non, c'est cette hypersensibilité, ça t'empêche vraiment d'être à l'aise, quoi, partout. Il y a quelque chose que tu dois traverser, peut-être. Mais moi, je crois, quelque part, intimement, que c'est aussi parce qu'il y a des gens qui souffrent à l'entour de nous, qu'on est assujetti à la souffrance. C'est-à-dire qu'on on a étouffé notre empathie, quelque part. On a parlé rampure de liens... même familiaux ou d'autres. J'ai remarqué, les plus en plus on parle de l'amour, les moins en moins il y en a vraiment dans la vie. Que ça se théorise. Mais quand on a l'empathie à l'autre, on se sent soulagé au moment où la douleur de la personne disparaît. C'est quelque part, je pense, que c'est important que inconsciemment, on ne soit pas... exposé à la souffrance des autres, ça veut dire que inconsciemment, quand on sait qu'il y a des gens qui souffrent, et ça nous abîme aussi. Ah, il y en a qui sont effondrés. Donc il faudrait, il faudrait que les gens comprennent que c'est de, si on veut être heureux, il faut que tout le monde soit heureux, que pas seulement agir sur son propre sort et laisser les autres. Parce que c'est pas possible. C'est très compliqué pour que tout le monde soit heureux. Il faut déjà travailler sur soi pour être équilibré en paix et pouvoir après être une présence. Exact, je pense aussi. Pour les autres, c'est un peu moi je pense avoir une écoute bienveillante, etc. Oui, ça c'est individuel. Ça parle vraiment de nous pour après aller vers le monde. Il sera jamais heureux, le monde il sera toujours le monde. Il sera toujours, on espère y croire quand même qu'un jour tout le monde sera heureux. Tout y est, a priori. S'il n'y avait pas, j'ai envie d'y croire. Je suis un peu mais non, mais le monde il sera jamais heureux, je pense pas. Bah moi, il sera heureux et malheureux. Heureux et malheureux, ça sera dans la dualité. En même temps. Oui, il y aura toujours une dualité, voilà. Mais j'espère qu'on va réussir un jour, je ne sais pas dans quelle humanité, parce qu'il y a eu plusieurs humanités ici, mais qu'un jour, ce travail de fraternité qu'on doit faire ensemble, on va y arriver. Quoi. Mais qu'on arrive à sa réelle divinité, tous, puisqu'on nous en a empêchés, et bien maintenant, il faut... Mais il y a pour la répandre, c'est pas facile. Il faut la répandre. Parce que le problème, c'est qu'on est dans le brouillard. Mais regarde, tu dis, il faut la répandre, et puis tu dis, c'est pas facile. Mais si on se dit, c'est pas facile, ce ne sera pas facile. Oui, on peut penser comme ça. On peut penser qui ne comme sont ça. Pas, qui ne sont moi, pas positives, alors, moi, à ce moment-là. Moi, je suis un garçon très, très optimiste. Oui. Et donc, quand je dis, c'est pas facile, parce que dans mon mental, je réfléchis, je dis, c'est pas facile. Parce c'est que compliqué. Les trois quarts des gens ne sont pas accessibles. Mais c'est vrai que j'ai une nature optimiste où j'essaye de le faire quand même. Pour moi, c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est instinctif. Voilà. De le faire. Après, le monde, c'est tout, c'est abstrait, quoi. Déjà, être soi, être bien, et puis autour de soi, c'est déjà pas mal. Si tout le monde le fait, oui. Ça déjà, c'est... Voilà. C'est drôle, parce qu'en français, on dit tout le monde, si tout le monde le fait. C'est drôle, parce que si tout le monde le met, le monde change. Après, ça fait sacré. Pierre, comme Rabbi Jacob disait, si chacun fait son travail. Puis le problème, c'est aussi qu'on est dans une société d'égoïstes, c'est-à-dire que les gens. Ils n'en ont rien à faire des autres, quoi. Ils ont. Tous les gens qui mettent en place des choses. Comme ça, si on rentre dans le complotisme, là, ça ne va pas trop, là. Mais. Les choses qu'on met en place, qu'on ne propose, nous ne nous aident pas. Déjà, ils sont égoïstes. L'éveil de la conscience, c'est ça, c'est de sortir de l'égoïsme. C'est pas ils ont travaillé à ça, c'est que le monde a toujours été comme ça. Les bulles qui sortent comme ça, qui s'éveillent, ils en sortent. Mais le monde, il sera toujours égoïste. Si le monde suit les mêmes parcours que tout le monde, il y aura un déclin, la mort et la renaissance. Ouais. J'ai pas compris là. Parce que tout dans la nature, tout naît, grandit, décline et meurt. Donc le monde peut-être aussi, il doit aller faire. L'humanité. Comme les arbres font, comme toutes les plantes font. Elles meurent et puis elles recommencent. 100 millions d'années. Oui, mais ça rend le monde ne le fera peut-être pas. Il va pas mourir. C'est ça le truc du monde. La particularité du monde, c'est de naître et de mourir. Et la particularité de la vie, c'est d'être éternel. Donc quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Tout le monde ouvre les yeux en grand. Comment? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est pas obligé qu'on se réincarne encore sur la Terre. Si on n'a pas envie, on peut aller ailleurs. On est éternel, comme tu dis, mais on ne reviendra peut-être pas ici, selon le degré d'élévation. On est peut-être à notre dernière vie. Pardon ? On est peut-être à notre dernière vie. Non, on n'est pas si évolué que ça. Non. Ça suffit, tu ne ressens pas un diamant, pas encore. Non. Rien que de dire ça, c'est une souffrance, tu vois. Ouais. Il faut se sentir heureux d'être ici. On a la chance d'être ici, à ce moment-là. C'est là, même pas, même on pas, est à on l'école a la chance, de la vie. La plus belle époque. Là, c'est tout. On est à l'école de la vie, là. C'est... Voilà, cela est. Tatsat, comme on dit en Inde. Comment? Tatsat. Tatsat, ça veut dire quoi? Cela est. Cela est. Cela, oui, cela c'est. Est. Et. Je suis, c'est. Sat, c'est être, l'être. Sattva. Tatsat. Quand il y a un panichat, qui est un texte sacré qui est récité à la fin, Tatsat. Le maître dit Tatsat. Cela est. C'est bah, apparemment, beau. Amen, ça veut dire la même chose. Peut-être, oui. Sûrement. Oui, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Non, ainsi soit-il, ça ne veut pas dire la même chose. Que tout soit. Ainsi soit-il. Non, mais c'est la confirmation, justement. Il y a une question de temps, de tu ainsi soit-il. Non, mais ce n'est pas ça, Amen, je crois. Bah, je ne sais pas, mais apparemment, ça veut dire c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a l'heure? J'ai 4h30. Ah. Je vais pas tarder. Ou même pas, peut-être 4h20. Je vais regarder. Aucune idée. Je vais regarder ça. On est parti loin, mais les douleurs, c'est. Voilà, il y a les douleurs de naissance, par exemple. Donc, ça, on sait qu'il y a de la problématique qu'au fur et à mesure du développement technologique, les corps ne peuvent plus se développer comme avant. Et il y a une cause qui est spécifique, c'est la carence. La carence en vitamines, qui était appelée autrefois activateur. Et ça, c'est le... En 1936, il y avait un livre qui est sorti, la nutrition et la dégénération d'énergisation physique. Mais les livres parlent aussi de dégénération et mentale et morale. Voilà. Donc, et l'histoire que les douleurs, les femmes accouchent dans la douleur, bon, on peut faire l'appel dans la Bible parce qu'ils ont. Et déjà, au moment où on a quitté le paradis, on était condamné à vivre, à donner la naissance dans la douleur. Mais lui, en 36, il vivait encore dans l'époque où il y avait des tribus primitives qui vivaient et il ne connaissait pas les problèmes d'accouchement ni des douleurs d'accouchement. On accouchait, et même j'ai entendu quelqu'un, c'est toi qui m'avais dit qu'il y a une grande mère dédiée, que bon, s'accoucher, c'est, tu sais, bah, ça sort et c'est tout. Là, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'avait pas allé besoin chez les à l'hôpital, la mer, par ailleurs. Il y a une femme qui est venue faire une conférence à Bruxelles, eh bien, elle avait accouché de son dernier bébé dans la mer. Ah oui, donc c'est les Russes. Comment elle s'appelait, cette femme, elle était incroyable. Elle expliquait plein de trucs. Elle disait, mais vous les jeunes, vous ne vous rendez pas compte, là. Hein, vous faites l'amour, allez, c'est magnifique, vous faites l'amour, et puis le lendemain, vous voyez un autre gars qui vous plaît, paf, vous recommencez. Et en fait, c'est catastrophique de mélanger toutes les vibrations par rapport à l'amour. Oui, tout à fait. Mais quel rapport avec l'accouchement? C'était cette femme qui a accouché dans l'eau, donc qui sans, parlait. Sans problème, non, mais c'est vrai, sans c'est difficulté. Vrai. Ah, moi, je suis d'accord. Et j'ai le bouquin à la maison, hein, dont je vais retrouver son nom. C'est pas un acte anodin. Faire l'amour, c'est pas un acte anodin. Ah, mais bien sûr, c'est sacré, quoi. C'est sacré, oui. C'est sacré. Mm. Et aujourd'hui, c'est devenu... Ah ben, complètement. Il y a cette histoire aussi des bonnes intentions. Peut-être que ça l'a fait réfléchir à ce que tu lui as dit. Qui ne font pas bien. C'est-à-dire, on dit que les bonnes intentions, c'est... Voilà, très souvent, ça arrive, par exemple, moi, quand j'ai essayé de sauver un insecte de la piscine, c'était sûr que je l'ai noyé. Parce que j'ai faisais les précautions, mais ben, il tombait. Tu veux sauver une araignée, tu veux la mettre dehors, tu lui casses les pattes. Ben voilà, donc il y a de bonnes intentions, mais quand on est maladroit ou on ne sait pas vraiment comment aider quelqu'un. Non, mais... Je voulais dire par rapport à la douleur, là, et aussi le fait de l'acceptation. Quand on est dans le monde, ben, il faut accepter qu'à un moment donné, on va avoir des moments de plaisir ou des moments de souffrance. C'est normal. Maintenant, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus avoir mal. Non, c'est normal. Il y avait un Polonais au XVIIe siècle, et donc, qui était un grand hetman, donc c'était le chef de toute l'armée polonaise, et un noble, et qui disait « Ja nie z ziemi ani soli, jen z tego, co mnie boli ». Ça, ouais. Donc, pour comprendre, ça veut dire que je suis ni de sel, ni de la terre, seulement de ma souffrance, de ce qui me fait mal. Ça veut dire que je suis construit, on est construit. Ah, parce qu'il nous fait mal. Ah oui, ça c'est autre chose. Ouais. Ah. Oui, ça, non, c'est. Mais non, puisque ça existait d'accoucher sans douleur. Oui, mais lui, il était souffrant. Il avait les sciatiques et il n'arrivait pas à dormir. J'ai entendu parler mais de souvent, lui parce qu'il y avait les luthistes qui lui jouaient toute la nuit parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Et pourtant, il était un chef de guerre extraordinaire. Il gagnait plein de Et c'est la douleur qui nous fait bouger aussi. Qui quoi qui bah nous oui, fait ça, ça nous construit. Nous, voilà, on cherche des moyens d'être mieux. Ça nous fait avancer, quoi. Ouais. Alors que si on est dans... Voilà, si on est dans l'extase, dans le canapé, dans notre canapé, on regarde la télé, on est bien, voilà, on fait rien. Bah, on croit qu'on est bien parce qu'on n'est pas bien. Guillemets, quoi, bien sûr. Ouais. Bah oui, mais quand contre, on a une maladie, on cherche à se soigner, donc on va aller rencontrer des gens, on va tirer des leçons. Voilà, et puis c'est comme ça qu'on s'éveille petit à petit. Bah oui, mais quand tout est bipolaire, il y a ce côté sombre aussi de la douleur. La souffrance, ça nous rend agressif, souvent. Et oui, ça dépend. Et ça, ouais, mais dans un premier temps, il y a des phases. Il y a des phases. Au début, tu comprends pas, tu es agressif. Puis après, tu te mets en recherche, en quête. En tout cas, par rapport à l'eau froide, parce que Darek nous parlait souvent qu'il prenait des douches froides. Et moi, j'avoue bien, t'es un peu fou. Eh bien, l'été passé, ça aurait été impossible. Non, donc l'été d'avant, l'été passé, impossible. Et cet été-là, je me suis dit, maintenant, je n'arrête plus. Puisque tout l'été, je prends la douche froide pour me rafraîchir. Et ça fait du bien, ça fait bon. Et j'ai pas arrêté une seule fois. Je n'ai jamais plus, sauf quand je me mets dans du bicarbonate de soude. Donc l'ostéopathe dit 120 grammes dans un bain et le corps se désacidifie. Donc une demi-heure, on reste dans un bain chaud. Donc, avec du bicarbonate de soude. Avec du bicarbonate de soude. Oui, 120 grammes. Donc ça fait la valeur d'une petite tasse. Tu la mets dans ta piscine, toi. Hein oui, ça baignoire. Oui. Mais oui. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans la piscine qui la rendraient beaucoup mieux. Mais je prends systématiquement. Bon, au début, c'était horrible. Puis, je ne sais plus qui m'a dit, mais tu mets un petit souffleur chaud. Et alors, tu te dis, oh, il fait bon, c'est l'été et tout. Et puis, on commence, c'est très très froid. Pour l'hiver. Oui. Ah ben c'est terrible. Hein. Moi, je fais la douche chaude et puis après, je me rince. Ah non, ça c'est facile. C'est chaud et froid. Ouais, ça c'est facile. Ben oui, c'est pour ça que je le fais. Mais commencer avec du froid. Mais tu sais qu'on ne commence pas avec les pieds, on commence avec la tête. Ah non, ça je ne pourrais pas. Ça je ne pourrais pas encore. Je ne suis pas encore à ce stade-là. Je commence avec mes pieds. Je monte tout doucement et maintenant, même la nuque, aucun problème. Quoi. Et je le fais en chantant. Mais. Bah voilà, donc ça c'est les. Mais après, ta douleur. Ça apporte bien être. Quoi ? Et les voisins ne se plaignent pas des cris de la douche. Non, mais tu vois, on s'habitue au confort. On a de l'eau chaude. On ne se rend même plus compte que. Toi, tu sais moi, c'était par mesure d'économie au départ. Tu sais comment prendre du plaisir toute seule. Pour le cumulus, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qu'elle a dit au monsieur sur le marché. Elle a dit, j'ai pas besoin de toi, je prends une douche glacée et je suis tranquille pour la journée. Pourquoi ? Ah, bah oui. Non, je disais des bêtises entre nous. Voilà. Je disais que tu savais comment prendre, avoir du plaisir toute seule. La douche froide. Ah, non, là quand même. Bah, c'était un plaisir. Mais franchement, je suis contente après, tu vois. Parce que je me sens bien et j'ai chaud. Ben oui, ça tonifie. Et en plus, ce qui est justement intéressant, et on n'a pas parlé, qu'il y a les électrons, c'est-à-dire la vie quelque part a son côté électrique. Et quand on prend la douche, chaque goutte d'eau, elle ajoute des atomes, c'est-à-dire elle ajoute des électrons dans le corps. Et ça, c'est... Je vais me sentir encore mieux. Bah voilà. Mais alors, quand je fais... elle a brillé. La pluie, si on sort sous la pluie, oui. la grande pluie, sauf si ce sont des œufs de grêle, de tue, mais ça fait vraiment énormément énergie, ça donne. Pardon ? Chantons sous la pluie. Ah oui. Ah mais hier soir. Mais tu vois le bain déjà acidifiant. Quand je le prends le soir, ça est surtout le vin. Eh bien, j'ai laissé la dernière fois l'eau dans le bain. Je me suis dit, on va voir. Et le lendemain matin, je me suis dit, parce que ça pique la douche. Hein. J'ai mis mon pied, puis l'autre pied, et youp, entièrement jusque-là. Je l'ai fait. Donc, je vais pouvoir aller dans ma piscine froide. Voilà. Donc, toi, tu es du Nord, toi. Quoi ? Tu es du Nord. Je suis du Nord. Tu es une nordique. Comme dirait Galabru. Ouais. Bon. Je suis du Nord. C'est vrai que c'est peut-être prochaine ça. Prochaine réunion, on ira en Norvège, on va se baigner dans l'eau glacée. Oui. Et on va voir les bienfaits de la douleur. Il paraît que ça enlève la douleur, justement. La cryo, comment on appelle ça ? Oui, la cryo. Oui. Cryothérapie. Oui. La cryothérapie. Ah, et ça fait maigrir aussi. Mais c'est horrible parce que c'est 150 degrés. Ah, ça brûle. La prochaine salle que tu vas faire, qu'on fasse des réunions, essaye de trouver un peu une salle où il y a de la cryogénie, du machin, tout ça, qu'on essaye tout ça. Qu'on fasse des expériences. Mais ça, ce sont des extrêmes. Toi, tu seras en Norvège. Ouais, là-bas, il y a la mer. Alors, moi, du moins que j'ai la mer, j'y vais tous les jours. Ça, c'est magnifique, la mer. Et l'eau, c'est. Oui, même une heure. Je déménage. Et ça, c'est. Moi, j'y vais en mars-avril, ouais, j'y vais, ouais, je me baigne. Dès que tu bouges, elle est froide. Je te baigne toute l'année. Ouais. Non, peut-être pas toute l'année, elle est froide aussi, mais bon. Bah, si tu n'as pas envie d'y aller en novembre ou décembre. Mais. Moi, c'est quelque chose qui m'attire. Ça, je c'est justement. Je vais au truc, je suis toujours dans l'eau et sous l'eau. Cette capacité du corps à s'adapter. Mmh. On a puisé les sujets à peu près. Ouais. C'est-à-dire. Peut-être pas, ça sûrement pas, mais... Le yoga était très facile que tu nous l'as fait faire, je croyais que c'était plus dur, mais là, allongé, j'ai rien senti. C'était tranquille. C'est ça l'idée, il faut... la douleur peut-être, ça ne devrait pas évoquer de choses négatives. Ah ben. Comme tout à l'heure, d'un premier temps, ça évoque... un peu de la colère parce qu'on a la douleur et puis après si on réfléchit qu'on l'assume on enlève cette colère et elle part déjà un petit peu. Bah oui, la colère c'est un stress, c'est un fil d'Ariane, c'est la douleur, si tu la suis peut-être que tu arrives à l'éveil. Bah, il y a certains qui s'infligent les douleurs par eux-mêmes, ça par exemple au Moyen-Âge les gens qui se flagellaient, c'est peut-être justement pour dépasser, pour suivre la douleur dans la... C'est-à-dire ça purifiant et ça... Bon, c'était autopunition aussi, mais c'était peut-être aussi quelque chose qui purifiait en même temps. Quoi ça les gens qui se donnent le mal par eux-mêmes. La flagellation et compagnie. En Inde, il y a des gens là, qui se font transporter, là. Il y a des processions... Alors les gens, ils sont transportés, ils sont pendus, je sais pas, ils sont accrochés par les... Ah, oui. Voilà, par la peau, par... C'est horrible. C'est horrible. Ou une personne qui, depuis 70 ans, elle tient toujours la main vers le haut. Ah, il y a ça aussi. C'est, ça aussi. Et, et le bras, il est tout atrophié comme ça. Calcif. Les articulations. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est quoi, c'est la punition? C'est des ascèses. Pour sauver les mondes, c'est Atlas qui tient le monde pour qu'il ne s'écroule pas. Comme ça. Non, ça quand même. Voilà, donc il y en a. Et il y a encore des douleurs qu'on inflige les uns aux autres. Et ça, c'est pas... Tu crois que ça augmente la douleur de prendre des douches froides? Non, je ne sais pas. Parce que je fais quand même attention à droite. Hein. Je change de main pour me doucher, pour ne pas toucher la hanche. Tellement, je me dis, mais... C'est le chaud qui me fait du bien. Moi. Par contre, les dangers, donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien ce que tu fais. Par contre, je pense que si on arrête une activité, le corps est de plus en plus incapable à résister à ça. C'est-à-dire, c'est dicton anglais, use it or lose it. C'est-à-dire, fais ça ou tu perdras la capacité de le faire. Et, c'est très visible quand on... Et maintenant, on dit qu'on peut, dans le mental, dans l'imagination, on peut continuer, même si on a, par exemple, le pied cassé, on ne peut pas marcher. Si on marche dans l'imagination, et les muscles ne s'atrophient pas aussi fort et notre capacité ne disparaît. Et les gens qui, par exemple, ils changent l'habitude de marcher, commencent à boiter parce qu'ils ont mal au pied, c'est peut-être pas tout à fait bien parce qu'ils prennent une nouvelle habitude et après c'est plus difficile de retourner. C'est bien de soigner, au moins marcher normalement dans la tête et marcher plus doucement, mais ne pas changer la manière de marcher. Parce que là, voilà, il faut apprendre à vivre avec la douleur, mais dans la perspective qu'on se débarrasse de la douleur quand même. Qu'on trouve là. Après, tu ne le perds pas. Tu ne perds pas, mais c'est plus difficile de le retrouver. Quoi. Donc, si tu restes dans la constance de l'effort, c'est plus facile de retrouver après ton aptitude normale. Et moi, je pense que pour les gens qui sont alités à vie, qui ne peuvent pas bouger, et ils peuvent avoir donc activité mentale développée justement d'imagination. Mais aussi, ils peuvent faire des exercices comme ça. Mais dans les lits, on peut faire les activités. Qui est-ce qui a commencé? C'était toi qui a dit qu'au lit, on commence déjà le s'étirer la gymnastique au lit, c'est ça? C'était oui, toi? Au lit. Voilà. Au lit, bête truc, hein. Ne fût-ce que ça. Ça draine déjà. C'est drôle. Les paupières. Et puis alors, tu continues, tu plies les genoux. Ah oui, tu fais tout, quoi. Tu étires la jambe. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gymnastique. C'est la gymnastique corse. Mais ouais, les roll-ups, etc. Gardel, il a fait, fait un DVD là-dessus, c'est dans magnifique. Avec le tango corse. Mais il y a un livre qui est sorti, Yoga au lit. Au lit? Yoga au lit. Sur chaise, oui, ça existe, mais au lit, je ne sais pas. Remonter le corps entièrement. Pour faire la musculature on va essayer. Et il y a un docteur Alexeyev qui a des idées très drôles. Qui est un russe, mais c'est automatiquement traduit en français, avec le lecteur, la voix automatique. Mais c'est super drôle. Et il a des idées très sympathiques. Et beaucoup des exercices qu'il propose sont allongés. Et il trouve des choses que personne d'autre ne propose, à mon sens. Bah oui, a priori, on peut toujours continuer, mais par rapport à la douleur, est-ce que vous avez encore des idées, justement, sans les produits chimiques? Parce que, bon, les plantes aussi, c'est la chimie quelque part, mais la chimie vivante. Et sans la chimie et sans la magie. Il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose, c'était un éthiopathe, et il m'avait dit quand on se cogne quelque part, ça, par exemple un angle de placard, ça peut être intéressant. Il m'a dit, est-ce que tu as mis en contact l'endroit où tu t'es cogné avec l'angle du placard? Il m'a dit, fais-le, c'est intéressant. Ah. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. L'angle du placard? Oui, ça par exemple, si je me cogne le coude sur, par exemple, sur ici, j'ai mal au coude, je vais ramener le coude sur l'endroit où je me suis cogné. Et je le fais quand je me cogne la tête sur un angle de placard ou un truc comme ça. Et il se passe effectivement quelque chose qui dissout. Bah oui, c'est tu lui donnes. Une mémoire à un choc. Oui, oui. Oui. Bah moi, je pense que. La temporalité un peu du choc. Mmh. Tu revis l'événement de façon plus douce pour aller. Flashback. Ouais. Non, moi, je pense que tu lui donnes l'occasion de se faire pardonner enlevant la douleur qu'il t'a fait. Dis la portière de la voiture. Pendant 6 mois, j'ai plus rien senti. Par contre, avec les, si tu te brûles avec quelque chose de remettre l'endroit. Non, vous ne pas lui donner la chance de dire pardon. Sauf si tu attends le temps que ça refroidit. Peut-être. Bon, oui. Des petites choses qui changent tout. Enfin, moi, on en cherche la douleur quelque part. Je touche toujours, je ne sais pas si c'est de la tristesse ou si c'est autre chose, mais je touche toujours. Peut-être qu'avec la Wi-Fi, partie, ça va aller mieux. Bah, sûrement.